89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien Guertin nous dira ce qu'il pense de l'actualité dans son bulletin Guertin. Et Frédéric Bernard posera une question à Google en espérant trouver une réponse dans Google Club. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en direct en ce mercredi 23 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudet. Hello! Hello! Ça va? Hey, oui, toi? Oui, on a terminé la journée tard ensemble hier en co-animant les palmarès, c'est fou. Oui, mais c'était tellement le fun. C'est le fun, hein? Ça fait découvrir tellement d'artistes que certains ne connaissent pas. C'est ça, ça nous donne du matériel pour faire jouer à Assemblage Reiki parce que les autres animateurs, des fois, peut-être savent même pas ce qu'il y a comme musique, tu sais, parce qu'ils sont pas dans les palmarès, c'est fou. Ouais. Il faut co-animer ça, faudrait animer ça à 50 animateurs. Tous les animateurs de Cifou. Ça serait fou. C'est ça, on a laissé la porte ouverte pour ça, puis il n'y a personne qui est venu. Il y a eu une personne, mais elle se demandait pourquoi la porte était ouverte. C'est ça. C'est quoi votre problème? Avez-vous des problèmes dans le studio? Donc aujourd'hui à l'émission, Tania, on va avoir à 8h Sébastien F. Guertin. C'est son bulletin Guertin. Une semaine sur deux, il nous parle d'un sujet dans le Zone Campus qu'il a couvert pour l'éditorial, et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Oui. Oui, donc c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard sera là pour Google Globe. Il pose une question dans Google. Par exemple, qu'est-ce que Google? Ou la semaine passée, est-ce qu'il y a des bienfaits à avoir du shampoing dans les yeux? Il n'y a pas eu grande réponse sur celle-là. Pas vraiment. Ça parlait de chien puis de chat, mais ça parlait certainement pas de shampoing. Donc, ça va être à 8h30. Google Globe, la chronique absurde. Ensuite, on va voir aussi dans l'émission d'aujourd'hui nos chroniques maison. Dans un ordre peu important, on aura toi et on aura moi. On verra dans quel ordre qu'on fait ça. On verra ça. C'est ça, parce que toi, tu as une petite chronique Tania is gonna entertain you. Oui, hein? Comme toujours, comme et, chaque matin. C'est ça. Et moi, ben, la chronique du mercredi que je fais, c'est celle des gadgets inutiles. Donc, on va faire ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Mais avançons, on débute en musique avec une pièce de Twin Bandit. Bien oui, c'est. En fait, il se retrouve dans le top anglophone du palmarès. C'est fou. C'est déjà rendu, tu connais ça. Oh mon Dieu! Hein? Puis c'était une nouvelle entrée en 10e place, alors c'est la pièce Rosaline. Assemblage requis jusqu'à 9h30. Bringing me to tears again. Oh, c'était émouvant. Rosalind par Twin Bandit, nouvelle entrée en 17e place dans les palmarès, c'est fou de cette semaine. C'est bon. Ben oui. Mais c'est très bon. On n'aurait pas mis ça dans le palmarès sinon. Hein? Mais c'était une nouvelle entrée en plus. Ben oui, il faut se la mettre en bouche un peu. Ben oui, pas le choix. Mais c'était délicieux. Fin de la semaine, on va connaître les paroles par cœur. Exactement. Ah, ce qu'on connaît par cœur, c'est notre budget. Et notre budget nous dit oh, t'as encore du lousse. Ouais. Vers le bas de ta marge de crédit. Souvent, souvent. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la collecte dans laquelle on achète des gadgets trouvés sur Internet. On s'en permet des affaires parce que, Colin, la vie est courte. On a juste une vie à vivre. YOLO, hein? Hey! T'sais? Ça n'a pas de bon sens. YOLO, comme peut-être porter une boucle de ceinture qui sert aussi d'outil. Oh! Pourquoi pas, c'est la Knife Belt Buckle. Hein? Chaque ceinture a une boucle de ceinture. Okay. Habituellement, au bout, t'as une boucle de ceinture. Puis là, ben, tu peux comme l'attacher puis ça donne un petit look en avant. Mais il n'y a rien d'aussi utile que les Knife Belt Buckles. C'est fait pour fonctionner avec une ceinture spéciale qui vous permet de transporter sur vous une lame en stainless steel, en acier inoxydable, 420. Je ne sais pas trop les sortes de stainless steel, mais ça dit 420 stainless steel. J'imagine que c'est quelque chose qui existe. J'imagine. C'est fabriqué aux États-Unis. C'est disponible en version à un côté coupant ou deux côtés coupants, en format étroit ou large. Ça peut être enlevé en quelques secondes que vous soyez dans une situation d'autodéfense ou que vous vouliez ouvrir quelque chose comme un emballage d'un produit tel que vu à la télé, genre. Ben là, à moins d'être James Bond, là, ouais. Pas besoin d'avoir ça sur ta ceinture. Non, mais on s'entend que c'est viril. Là. C'est viril et très dangereux. c'est exactement t'sais, ça. T'imagines c'est pas légal tombes. Non plus. Ouais, mais là, en même temps, ça entre dans une ceinture particulière avec une fente pour mettre les le couteau dedans. C'est une parce que je spéciale. Tiens à préciser que sur la photo, on voit juste le couteau avec la boucle. On voit juste, c'est ça, la boucle de ceinture qui vient avec le couteau attaché après. Là. En effet, mais bon. Hein. Il y aurait dû, moi, ce que je trouve qui manque, c'est que sur la boucle en tant que telle, là où tu entres ta ganse, ta ceinture en tant que telle, ça manque d'un ouvre-bouteille. Mais c'est pas déjà ça qu'il y a là? Ben, c'est pas ce que j'en... En tout cas, moi, j'ai pas vu ça dans l'article, mais je ne crois pas. Mais je te l'accorde parce que je croyais que c'était ça. Parce que tout a un ouvre-bouteille de nos jours. Ça coûte combien, tu penses, tout ça? Ah, oh, ça doit être quand même cher. Juste 25$! Ah, c'est pas si pire! Non, ça a du sens, hein? Mm-hmm. Moi, je croyais que ça allait être beaucoup plus dispendieux. Ah, c'est sûrement parce que tous les produits qu'on mentionne jusqu'à maintenant... Ils sont dispendieux. Dans les chroniques, ouais. Ensuite, un sensor d'allergie Nima. Même si le menu dit sans gluten, c'est difficile de savoir, être certain vraiment de ce que tu commandes quand tu manges. Est-ce que c'est vraiment sans gluten, à moins que tu aies avec toi le Nima Allergen Sensor. C'est un appareil qu'on met dans sa poche qui vous permet de prendre une bouchée de votre nourriture, mettre ça dans un test pod qu'on appelle, donc un petit enclos si on veut la nourriture. On glisse ça dans l'appareil et en 2 minutes, on va savoir certainement s'il y a du gluten ou pas. Ça peut détecter des traces de gluten jusqu'à 20 parties par million. Et ça va être disponible pour les arachides et là, ça va être pour nous deux. Ouais, pour nous deux. Les produits laitiers. Ouh! Dans le futur. Tout ça pour un prix à déterminer. OK. Ben oui, tu sais, évidemment. Ben c'est ça. Ça peut sauver ta vie, mais crash le cash. Crash the cash. Ah. Je suis sûr que ça va être ça. C'est le futur nom de Ben, ça. Crash the cash. Crash the cash. Ouais. Ensuite, ça me. Je suis pas sûr de celui-là, tu sais. Donc, pour vivre de bonnes sensations, d'accord, quotidiennement, vous pouvez porter ce. Ce cossin sur le bord de votre tête. Ça a vraiment l'air d'un cossin. Ça envoie des neuro-signaling waveforms. Okay? Donc, des ondes neuro-signalitiques, si on veut, pour vous donner des vibrations remplies d'énergie et de calme sur demande. Selon ce que tu as besoin, évidemment. C'est sûr. Et tout ça, ça va te déstresser, te ravigoter pour te donner une performance maximale. Okay. On dirait comme une demi-lunette. Si on veut, parce que je vois pas l'autre côté où il se connecte. Est-ce que c'est collé sur ton front? T'sais? Est-ce que c'est collé? On sait pas. C'est sur Amazon.com. Ça dit que c'est la première technologie qui vous donne le pouvoir de changer la façon dont vous sentez pour relaxer après le travail, peut-être s'entraîner de façon plus efficace, tomber endormi plus rapidement. Ça fait tout. Ça fait absolument tout. Ça s'appelle le Think. T-H-I-N-C. T-H-Y-N-C. On le suit quelques minutes et on ressent les effets pendant plusieurs heures. Hmm. Et permettez-moi d'en douter, tout ça pour 300$. Juste ça. À peine, c'est comme 100$ par... Parfois, tu vas l'utiliser avant de voir que ça fonctionne pas, hein? Écoute. C'est ça. Ensuite, est-ce que tu voles souvent en avion? Est-ce que tu voyages beaucoup, Tantan? Je dirais une fois par année. Là. Okay, j'aimerais voyager plus que je ne le fais, mais écoute, hein, on travaille tous. C'est plus que la moyenne des gens, je pense. C'est le Jet Comfy qui pourrait être l'oreiller le plus confortable de tous les temps. OK. Tu sais, quand on parle de dormir dans un avion, souvent, on va traîner un oreiller, un coussin, ou on va en demander une, j'imagine, dans l'avion. Tu vois, comment j'ai jamais voyagé, j'ai aucune idée. J'ai jamais demandé. C'est ça. Mais ici, t'as pas à tenir ton oreiller ou à dormir d'une façon inconfortable pour réussir à ce que l'oreiller tienne en dessous de ta tête, tu comprends? Ouais. C'est un oreiller qui tient après un bras de ton siège. Oui. Okay. Donc, il y a un bras qui se visse après le siège. T'as un bras télescopique et l'oreiller, le coussin est au bout de ça. Et tu peux te croiser les bras, dormir n'importe comment et ta tête s'appuie sur le coussin. Mais elle a pas l'air trop confortable, la fille, sur la photo, là. Pas énormément. Et en plus, c'est une photo qui a été stagée pour être prise en photo. Donc, la fille aurait pu se forcer pour avoir un plus grand talent d'actrice pour... Mettons. Puis elle a l'air toute recroquevillée sur le côté du siège pour pouvoir s'accoter sur l'oreiller. C'est pas vendeur du tout. Mais quand même, il y a plusieurs caractéristiques et fonctionnalités intéressantes. Oui. Deux chargeurs USB. Okay. Oh! Design compact et pliable. Oui, c'est... Bien sûr. Couverture lavable, donc sur l'oreiller, en tant que tel, tu peux l'enlever et le laver. De la mousse mémoire à haute densité. Une poche pour tes documents et ton passeport. Ce qui prend, j'imagine, moins de place si tu mets des affaires dans ton oreille. Oui. T'as une place pour mettre tes écouteurs. Une lumière, un stylet et un stylo. OK. Ah, d'accord. Le tilt pour ajuster l'oreiller. Peut-être qu'il aurait dû mettre une autre position, mais c'est ajustable. Oui, c'est ça. Il est mal placé. T'as des ressorts de tension. T'as un bras télescopique en aluminium. Hauteur ajustable. 360 degrés pour le faire tourner sur lui-même. Un truc qui agrippe, qui est fait avec du caoutchouc pour agripper la coudoir. Ouais. Le truc. Oui. La coudoir. Ouais, je suis pas sûr. Et une strap à bagages, qu'on appelle. Ah, bon. Pour traîner dans ton bagage. Ça commence à 45$. On dit le meilleur oreiller d'avion de voyage de tous les temps. C'est le Jet Comfy. Combien tu gages qu'il va y avoir des compagnies aériennes qui vont en acheter? Peut-être, hein? Peut-être avec le petit logo de la compagnie aérienne sur l'oreiller, sur la couverture. Sinon, je lance ça comme ça, mais rappelez-vous que le crédit est à Tania Baudin. Merci. Ah, Tania Baudin, hein? Peut-être que s'il y avait eu un stéréo qui envoie, mettons, ton son directement dans ton oreille en plus, ça aurait été parfait. Il manque des options, ça. Ouais. C'est pas assez, 25 genre options. Faudrait que tu puisses écouter de la musique. C'est ça. Sur l'oreiller. Tu sais, oui, t'as des chargeurs USB, mais je peux-tu plugger mes haut-parleurs, mes écouteurs? Pour déranger tout le monde, non, fallait pas que ça dérange. Maintenant, on revient sur le sol, sur la terre. Pour les cyclistes, c'est des gants lumineux avec clignotage, clignotement, lumière qui clignote par la gauche à droite. Ça. Ça s'appelle les acquises. Comment? J'ai dit ça. Ça, là. Les acquises, on dirait que t'as reposé sur tes lauriers, partie de tes acquis, mais c'est les acquises. Voilà. Donc, les cyclistes qui veulent faire du sport et se transporter en même temps eux-mêmes, rester en sécurité, devraient peut-être s'acheter des acquises, Z-A-C-K-E-E-S. Des gants de cyclisme lumineux, lumière LED. C'est clair lorsque tu appuies sur ton pouce, avec ton pouce. Ça, je t'avoue que c'est très intelligent. Super pratique. Et ça fonctionne avec des piles de montre, des coin cell batteries, des petites batteries plates qui sont incluses avec un chargeur aussi. Les gants sont faits de cuir et de lycra avec les paumes un petit peu plus padées pour avoir plus de confort sur les poignets. Les signaux, c'est des sensors de lumière ambiante qui vont augmenter la luminosité de 4 fois le jour pour être encore plus visible. Faut pas que ce soit seulement la nuit qui soit utilisable. Ça, c'est très, très, très, très, très intelligent. C'est intelligent. Combien ça vaut, tu penses, tout ça? Si je te dis en plus que c'est disponible en petit, moyen et grand, est-ce que ça ajoute encore? Là, combien paierais-tu, ça? Ben, je vais faire comme si j'avais pas le prix directement devant moi. Ouais, c'est un peu le but, hein. c'est de la Moi, j'irais jusqu'à payer pour pouvoir sauver ma vie de cette façon, là. Mettons, tu sais, que j'étais cycliste. Okay. J'irais jusqu'à payer, exemple... Je sais pas, moi. 100$. Ah! T'aurais dit 75. Je sais, mais je l'ai pas. Non! Tu viens d'économiser 5 cents? Non, OK. Donc, tu sauves, tu économises 25$ et 5 cents dans ce cas-là. Parce que c'est 74,95$ plus frais d'envoi, port, manutention. C'est vraiment intelligent, hein? Parce que, tu sais, quand vient le soir, tu vois pas nécessairement les cyclistes. Puis juste ce matin, là, j'écoutais les nouvelles. Il y a genre un gars... T'écoutais un autre poste que c'est fou, traître! Non, mais j'écoutais les nouvelles à la télévision. Ah, OK, c'est correct. Pas le même média, c'est correct. Et voilà. Alors, j'écoutais un poste de télévision et les nouvelles, entre autres, qui disait qu'un motocycliste s'était fait frapper par une voiture sur le bord de la route. Mais tu sais, ici, on te voit pas parce qu'il est 3h du matin et que t'es en moto, là. Les motos, c'est pas safe. Moi, je dis qu'à une certaine heure, après une certaine heure, il ne devrait plus y avoir de moto sur les routes. Ah, wow, tu y vas jusque-là, toi. Ouais, là, je sens que je vais me faire lapider par certains de mes amis qui ont des motos. Moins que quand t'insultes le petit Jérémy hier. Mais... hey, ça, je m'excuse. Ouais. Les excuses publiques doivent être à l'heure où t'as fait la mention. C'est comme ça dans les mea culpa et ratum. Je suis désolée pour tout. Pour tout ce que j'ai dit sur le petit Est-ce Jérémy. Que tu veux rappeler l'excuse? En onde comme. Hors onde. Ah, parce que t'as continué en ronde, hein? Non, mais ah. j'ai c'est sorti tout seul hier durant l'émission. En fait, on parlait de la nouvelle Mike Ward et le petit Jérémy. Ouais. Et en fait, Mike Ward est poursuivi par le petit Jérémy là, pour faire une histoire courte. Est-ce qu'il va y avoir un Jérémy pour réussir à trancher de... Et en fait, on discutait comme ça, Mathieu et moi, de la situation. On a commencé à parler du fait qu'il ne faut pas rire des handicaps des gens. Et je dis, il n'est pas handicapé, il est juste déformé. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je m'en rappelais plus. Puis là, je suis soudainement inconfortable de nouveau et je ne veux toujours pas être associé à ça. Je voulais simplement dire qu'il y avait des malformations ou qu'on ne doit pas rire des gens avec malformations parce que ce n'est pas de leur faute. Okay. Mais tu vois, j'avais comme oublié le mot. Il s'est caché dans un petit tiroir de mon cerveau. Oupsi. Et le mot déformé est sorti. Ah, bon. Alors, j'en suis tout à fait désolée. Et qu'est-ce que tu as dit par après sur Internet, Tania? En fait, sur l'heure du souper, ma famille et moi en discussion. Tu as eu comme 12 heures pour y penser, là, entre 7h30 puis 7h30 mais soir. Mais ça aussi, c'est sorti tout seul et je tiens à rappeler qu'on avait passé beaucoup d'heures en studio, alors mon cerveau était à off sur l'heure du souper. On en discutait encore une fois, ma famille et moi. Mon père a dit « Hey, le petit Jérémy poursuit Mike Ward pour une joke faite en 2010. » Et j'ai simplement répondu « Hey, ça y a pris du temps à comprendre. » Je peux pas rire. Même que je peux faire genre yeah boy, hein? Hey, moi, je l'ai ri, par exemple. Ouais. Dans ton pâté chinois. Alors, sur ce, je tiens juste à dire, ne prenez pas mes propos, s'il vous plaît, pour me poursuivre. Je suis désolée. On veut pas perdre Tania à cause d'une poursuite de Jérémy. J'ai dit Jérémy. Hey, je serais dans le même bateau que Mike Ward. Est-ce qu'on peut l'appeler Jérémy et son nom de famille à la place? Mais il est quand même petit. Et il s'appelle Jérémy. Et il n'a pas de nom Jérémy. De famille, c'est ça? Mais est-ce qu'il a été connu avec son nom de famille ou il a été connu sous le nom de Petit Jérémy? S'il y avait une sitcom, ça s'appellerait juste Jérémy, je sais. Mais c'est peut-être son nom d'artiste. C'est peut-être ça, hein? Petit Jérémy. Tu sais, Puff Daddy, Petit Puff. Jérémy. Jerry J. Jerry J. Sur ce... Jerry S pour Jerry Small. Sur ce, je m'excuse, Petit Jérémy. Ah, t'es excusé d'ici la fin de la saison. Merci. Ah... On a parlé, on revient souvent à ça parce qu'il me semble que c'était quelque chose qui était intéressant. C'était tu te rappelles le spa pendu dans les airs, là? Oui! Attaché comme un hamac. Comme un hamac, on n'était pas sûr que ça allait tenir sur une galerie. On n'était pas sûr. Ça, j'en suis plus certain, on dirait. C'est une balançoire. C'est une balançoire et une table. C'est malade! C'est pareil comme une balançoire classique avec les chaînes et la palette, la tablette de bois sur laquelle tu t'assois puis tu swings la baquette. C'est super vintage, on dirait. Super vintage en bois massif. Mais je sais pas si c'est massif, ça. Un gros chêne. Justement, des gros chênes attachés après des chaînes, ça a du sens. Et la table elle-même ressemble à une balançoire. Tout ça attaché par des chaînes à une structure en métal. Un prisme rectangulaire. Okay? Oui. Donc, on peut changer votre heure du souper en heure de plaisir et de souper en même temps. Pas mal plus fun que d'écouter Denis Lévesque. Ben oui. Tu balances. Oh. Non, mais tu balances. Oui. Comme à la place de dire que tu t'en balances en regardant la TVA, ben tu te balances. C'est quand même Donc, c'est créé en acier et de... Tu sais, le bois, là, qui s'appelle le Le shine, hein, c'est ça, tu l'avais dit tantôt. Hein. Je sais pas si c'est le shine, ouais. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Avoue que s'il était fait en cheddar, c'est encore plus cool. Hein? Ouais, mais ça serait pas mal moins solide, j'en suis persuadé. Mais non, c'est cheddar comme dans cedar. Cedar. C'est wood. Cèdre. Cèdre. Du cèdre. Wow. Cèdre. Il me semble que ça casse du cèdre. Cèdre ou je connais rien au bois. Ben, je sais pas, là. T'as pas cherché? Est-ce que je pensais que c'était vraiment ce que tu m'avais dit. Fait que moi, je te fais confiance. Hey, moi, j'ai lâché Shine au hasard. Hier, tu te rappelles que tu m'as fait traduire c'est un terme. C'est du cèdre. Merci. Tu m'as fait traduire un poumon en quelque chose de pas rapport, là. Parce que toi, tu trouvais hâte d'avoir trouvé la traduction avant moi, mais non, mais je trouvais ça tellement drôle. Je suis naïf un peu, hein? Juste un peu. Un petit peu naïf. Donc, bref, c'est fait d'acier, d'accord? Et de cèdre. Table qui vient donc avec quatre bancs ou chaises qui sont pareils comme des balançoires. Et les détails sont assez compréhensibles jusqu'à maintenant. Ça coûte combien, ça? Je sais pas. 2400 bidoux. Hey, ça doit tellement être... Mais tu sais, en plus du bruit... Du bruit. Du mille perçu. Oui, ouais, et voilà. À place de payer 2400$, ça doit tellement se faire en 2x4, puis c'est tellement style Pinterest. Ouais, mais est-ce que ça va être en acier avec du cèdre? On trouve là. T'es trop genre do-it-yourself pour moi, là. Hey, j'ai jamais fait quelque chose par moi-même autre que du craft dinner. OK, fait que tu suggères aux gens de le faire, mais c'est comme fait ce que je dis pas ce que je fais, c'est ça? Ben moi, je paierais pas 2400$ non, pour non une balançoire dans ma cour. Non. Tant qu'à ça, je fais une table, pas cher, c'est et ça. Un set de balançoire, pas cher. Exactement. C'est ça. Mais t'sais, au pire, va chez Patrick Morin, il se fend le... Hey, est-ce qu'il achète de la pub ici? Là? Non, pas encore. Dorénavant, ils en ont acheté rétroactivement. Okay? Ensuite, un thermomètre dans l'oreille. Tu sais, t'aimes ça d'habitude d'avoir un thermomètre dans les fesses? Pardon, mais là, on veut te le mettre dans l'oreille. OK, ben, Tania. T'as jamais fait ça? Non, mais attends un peu, c'est parce que t'as pas compris le détail additionnel qui se branche dans la prise audio de ton téléphone intelligent. OK, mais... Là, combien tu paierais, ça? Ouais. C'est ça. J'avoue que ça ajoute un facteur. Il y a plusieurs façons de prendre ta température. Certaines sont moins plaisantes que d'autres, certaines sont plus plaisantes que d'autres. Les Timpani Ear Thermometer, c'est un petit peu plaisant. Ça rassemble les données par un sensor infrarouge à intra-auriculaire à l'intérieur de l'oreille. Donc, ça transmet les informations à votre téléphone par la prise écouteur. Il y a une application Companion qui permet de s'assurer de suivre la température ou de l'envoyer par courriel à ton médecin si nécessaire. Question? Oui, je lève la main parce que j'ai une question. Je crois que c'est seulement dédié aux bébés. Aux? Oh. Bébés. Ben, ouais. Parce qu'en temps normal, tu prends la température dans une oreille à un bébé. Parce que c'est plus précis pour le bébé, j'imagine, et pas pour l'enfant. Pas certaine que tu peux faire ça rendu à 35 ans. C'est une bonne question. En fait, ça mesure en 2 secondes. Ça, c'est les détails que j'ai. C'est parfait. OK, ça dit ici. OK. Ça dit quand ton patient est un bébé qui ne coopère pas. Boum! Ou un adulte qui est vraiment de mauvaise humeur. Bon. Ça fonctionne sur les adultes, t'as parlé. Mais pour l'adulte de mauvaise humeur, je le mettrai ailleurs. C'est ça, hein? Oh! Timpani ne demande aucune pile et surtout, ça coûte très peu d'argent, 25$. C'est un projet sur Indiegogo qui a déjà ramassé son argent et ça devrait être envoyé au mois de décembre. Mais c'est cool, ça, pour 25$. C'est une bonne idée de cadeau de shower de bébé. Ben oui. J'aime ça. Ensuite, pour promener un chien, des fois, on a tendance à peut-être... moi, j'ai pas tendance à ça parce que je trie pas chez mes mains, mais quand même, attacher la laisse en faisant un tour ou une boucle, un nœud ou peu importe, puis attacher ça après ton poignet pour pas que le chien s'enfuit. Hein? Là, tu deviens mauve du bout de la main. Tu deviens mauve du bout de la main. À la place, achète-toi une balle mauve ou une balle de couleur qui va aller après ta laisse. C'est le lead mate. Hein? Donc, retenir un chien excité, particulièrement un gros chien, c'est souvent difficile et ça peut faire mal au poignet. C'est gossant. Donc, le lead mate, ça rend la promenade du chien plus facile en s'attachant n'importe où sur la laisse de votre chien en quelques secondes en le vissant. OK? Et une fois attaché. Ouais, c'est ça. En le vissant. OK. J'imagine que c'est deux parties de balle et qu'entre les deux, il y a un petit... Mais il n'y a pas l'image du dessous de l'appareil. Juste un trou dans l'aise. Hein? C'est exact. Donc, une fois attaché, l'Leadmate ne bougera pas. En fait, c'est assez solide pour soutenir ou supporter des centaines de livres sans bouger. Et ça a une forme ergonomique. C'est une balle, un peu comme les balles pour soulager le stress, si on veut. Et ça va, c'est ça, donc une forme ergonomique qui va vous permettre de transporter ou de faire marcher votre chien de la façon la plus simple et efficace au monde. C'est parfait pour les chats, d'autres animaux de compagnie aussi. C'est fait de matériaux recyclés, thermoplastiques, et ça pèse très peu, ce qui veut dire que ça ne bougera pas comme un nœud dans la liste de ton chien le ferait. Ça dit que vous allez pouvoir retenir votre chien même s'il y a un écureuil qui passe devant. C'est vraiment écrit ça. Et ça, c'est vraiment pas cher. Non! 9$ américains. C'est cool. C'est très cool. Mais est-ce que ça fait... Tu sais, on disait justement que ça vissait au milieu. Parce que ça fait des trous dans l'aise. C'est un peu moins le fun, ça. Ah, là, j'espère qu'ils ont fait des tests. J'espère pour eux. Pour 9$, d'après moi, non. Peut-être pas. Non, mais peut-être qu'ils ont fait une grande production. C'est très populaire comme produit, on sait pas. Là. Peut-être. Tiens, une bague qui pourrait fitter aussi bien pour un homme que pour une femme, dépendant de votre apparence, de votre esthétique vestimentaire et autres. C'est une bague qui est aussi une wrench, une clé. Hey, c'est hot. Pour dévisser des boulons et d'autres affaires comme ça. Donc, c'est littéralement une bague en Attends un peu. C'est marqué... c'est pas marqué le matériau utilisé. On dirait vraiment juste une clé qui a été twistée. C'est exact. Et c'est poli, vraiment. Ouais. Argenté. Bref. Et ça coûte 54$ et c'est tout. Tu as juste apporté ça sur ta main. Je sens que je connais beaucoup d'hommes qui aimeraient cette bague. Hommes et femmes, faut le dire. Du là. Domaine des courses. Moi, je fais exprès, tu sais, pour amener tout le monde là, dans mes oui, catures. Hommes et femmes, excusez, on veut pas discriminer personne. Moi, je veux pas, toi, ça te dérange autre moins. Que... Autre que le petit Jérémy, c'est ça. Je suis pas associé à ça. Je suis désolée. Je l'ai seulement amené à bord de l'équipe. Mon rôle s'arrête là. et pour terminer cette chronique... Pour vos êtres chers qui veulent une carte d'anniversaire, mais vous voulez que ce soit vraiment spécial, vous voulez pas leur donner une carte achetée à l'épicerie, genre, avec des fleurs achetées à l'épicerie. Ça se fait, on vous juge pas si vous le faites, un coup mal pris, ça va. Mais si tu veux aller un petit peu plus loin, c'est des cartes de fête qui s'impriment à l'imprimante. Brutalement honnête, en c'est anglais, bien sûr. Vraiment drôle. En couleur particulièrement étincelante, et le contenu du message va certainement faire sourire tout le monde. Veux-tu nous aider à lire cette carte de fête? Certainement. Ça commence par « J'ai seulement acheté cette carte parce que c'est socialement acceptable. » Ce n'est pas socialement acceptable. Excusez, j'ai sauté un mot. « Ce n'est pas socialement acceptable de mettre de l'argent dans un bout de papier plié. » Un bout de papier qui vient de ton imprimante. Donc, à la place, voilà. Tu fais imprimer ça, qui a un mot dessus. Tu mets l'argent dedans. Tu mets l'argent dedans. Problème réglé. Tout ça pour la moitié d'une boule à laisse de chien. 4,50. Voilà, c'est tout pour ça. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Tu sais, à ce prix-là, il y a des cartes pas mal moins chères chez... Ouais, mais est-ce que c'est aussi fait maison? Ah, y en a qui sont drôles en mots, t'as dit. Ouais. Avoue. Il y en a qui jouent des petites chansons aussi. Ah oui. Ah, hey, sais-tu qu'est-ce qu'a fait ma carte préférée? Non, quoi. Elle m'annonce dessus la chronique de Sébastien F. Gartin s'en vient au retour. Ouh! Butin F. Gartin. Quelle chanson joue quand tu l'ouvres, la carte, tu penses? Oh, je sais pas, mais je sens que tu vas me le dire. C'est ça! Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mercredi matin du 23 septembre 2015. Il est Tania Baudin. Avec Mathieu Plomb. Là, ça va faire les insultes, là. Le reste de l'émission, on est sage, OK? Oui. Tania. Promis. T'as appris ta leçon, j'ai appris la mienne. Surtout que le micro était ouvert. Ah, moi, je me rappelle pas, j'étais pas là. Je sais pas. Ça doit être le gars de technique. Allô, gars de technique. C'est monsieur à la console. C'est monsieur à la console. C'est la faute d'Adam et Janvier. Oh! Ça serait drôle si on faisait la console de l'un l'autre. Ça serait très drôle. On pourrait se blâmer l'un l'autre, c'est comme un concours de qui insulte le plus. Ça serait moins mêlant. Bref, c'est tout ça pour dire que l'émission matinale en pièces détachées est en ce moment en ondes jusqu'à 9h30. Et chaque semaine, cet automne, on accueille notre ami Sébastien F. Gartin. Et cette semaine, il va nous parler de la chronique dans Zone Campus, hein, j'en suis certain. C'est le bulletin Gartin. Bonjour Sébastien. Bon matin vous deux. Ça va? Ben oui vous autres. Ouais. Oui. Tu entres dans des choses. C'est pas dans quoi tu t'embarques. Je ouais ce matin. On est en feu là. C'est des risques et périls. C'est ça. Mais bon. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je pense que t'es là pour nous ramener sur terre. Ouais c'est encore drôle parce que cette semaine dans ma chronique j'ai choisi un sujet touché. Fait que je pense qu'on continue dans le malaise. Ah, ok ben on commencera le correct à 8h30. Moi c'est correct. À Google Globe. À Google Globe. Ben ça. En fait, comme ce que j'ai fait pour le premier numéro, j'avais deux sujets en fait pour ma chronique qui ont un peu un petit thème rassembleur ou plutôt un petit thème qui me sert à faire la transition. Et le thème était effectivement le malaise. Okay. Oui. on connaît ça. On mettons. Aime ça les malaises. Oui. Fait que dans le fond, la première partie de mon... ouais, on aime ça, on en fait souvent. Hein? Plus possible. Donc, première partie de ma chronique, je parle de culture du viol. Un mot qui fait peur. Littéralement touché. Ça, j'aime pas ça faire ça, en fait, parce que je considère quand même que la chronique à radio et la chronique écrite, c'est deux choses différentes. Ouais. Mais pour aujourd'hui, pour cette fois-ci, je vais quand même inviter les gens. Si je vais juste faire un petit publicitaire, 5 minutes de Lisez ma chronique. On te donne le droit. Puis après ça, je vais parler plus du reste. Parce que, un petit bonus pour ceux qui écoutent la radio. Cette chronique-là, en fait, je l'ai écrite cet été. Je t'ai inspiré, puis j'essaie de faire ça des fois. Quand j'ai une idée, mettons, j'écris des trucs d'avance déjà. Fait comme ça, des fois, des trucs plus intemporels. Puis comme ça me donne du temps. Quand t'es mal pris en cours de session, au pire, c'est ça, là, ouais. Puis là, ça tombait bien, en fait, parce que dans le premier numéro, Marie-Odile a fait sa chronique sur ce sujet-là, en fait. Sur les... Elle, c'est plus sur les pick-up artists comme Rouge V. Moi, je fais allusion à lui, mais à peine. Il est dans ton titre, en fait? Ouais, c'est ça. En fait, j'en parle juste dans le titre. Ça, c'est vraiment... C'est l'allusion. Ah, c'est ça. c'était la seule allusion. Mais c'est ça. En gros, moi, c'était vraiment plus une espèce de tentative de sensibiliser les gens à ce qui est la notion de culture du viol. Que moi-même, pendant longtemps, quand j'entendais parler de ça, puis je me disais, mais c'est complètement ridicule comme idée de dire que tout autour de nous encourage au viol. C'est pas ça. Nuançons. Oui. Mais de toute façon, je nuance beaucoup plus dans la chronique. Mais l'idée, en fait, c'est que quand on parle de culture du viol, c'est surtout qu'on dit que la culture en général encourage certains... C'est quand il y a certains comportements qui, si je me rappelle bien, mais la définition, je l'ai beaucoup mieux écrit probablement que je vais le dire, mais c'est des comportements qui, premièrement, font que les femmes se sentent pas nécessairement à l'aise dans certains contextes, ou encore que lors d'agressions sexuelles ou de comportements où ce que la femme s'est pas sentie à l'aise, qu'on va tendance à culpabiliser la femme qui s'est faite, je veux pas dire attaquer, mais... Violée. Qui s'est faite... qui s'est faite... La victime, dans le fond. Ouais. On va tendance à plutôt culpabiliser cette femme-là plutôt que le gars qui s'est pas vu. Mmh. Donc, c'est ça. Puis là, je discute un peu là-dessus là, pour... Fait que ça vous donne un peu le ton de la chronique. Je suis peut-être un peu plus... Je joue peut-être un petit peu plus sur la forme que d'habitude, là. Que ce que j'ai l'habitude de faire dans mes... Tu te laisses aller un petit peu plus, mettons. C'est ça. Ouais. Que dans mes éditos habituels. Fait que c'était ça. Puis je disais, je finis à la fin en disant, parlant de malaise... on tombe dans un sujet peut-être un petit peu plus superficiel. Les assauts étudiantes nationales. Ah, c'est bien complètement différent. C'est complètement différent. Vous allez voir qu'il y a un malaise là aussi. OK, okay, vas-y. C'est un domaine un peu particulier. Dire, le mouvement étudiant, c'est comme une espèce de monde un peu à part des fois où on sait pas trop... qu'est-ce que c'est que... J'ai été impliqué là-dedans. Quand je suis arrivé là, je me fais pitcher des acronymes. Mais c'est quoi ça? C'est qui? Ils font quoi? Bon. Alors, dans le mouvement étudiant, il y a les assos locales, comme mettons notre GEQTR ici, et il y a les assos nationales qu'on appelle. S'il y en a qui entendent le mot AC et FERC, probablement que ça leur dit quelque chose, ou la FEC. Ça, c'est des assos nationales. C'est-à-dire que c'est des assos qui servent à fédérer, puis là, bon, ça, c'est un terme un peu plus technique parce que c'est pas tout le temps de la fédération tant que ça, mais en tout cas, à rassembler, disons, on va dire, les assos locales pour avoir une espèce de message unifié des étudiants nationaux. Or, je me rappelle pas d'une époque où une association regroupait l'ensemble du mouvement étudiant, ou en tout cas l'ensemble des groupes étudiants qu'elle prétendait représenter, dans le sens qu'il y a des assos nationales qui sont autant collégiales que universitaires, comme l'AC, par exemple. Mais comme il y a d'autres assos, comme, mettons, la FERC et la FEC, qui, respectivement, sont spécifiquement universitaires et spécifiquement collégiales. Donc, quand on tombe si on regarde ces associations-là, ils ont existé parallèlement les unes aux autres. Donc, bien évidemment, c'est pas tout le monde qui est associé à toutes ces associations-là. Donc, ces associations-là, chacune prétendait représenter au moins une partie significative du mouvement étudiant, mais pas toutes. Puis, en fait, rarement la majorité même. Donc, depuis... Là, je suis en train de faire un cours d'histoire un peu sur le mouvement étudiant. Je comprends que c'est peut-être Déformation étudiante. C'est ça. Déformation de... ouais, c'est ça, de futurs profs aussi. C'est ça. Mais c'est ça. Donc... Il m'en reste pas long. Passer au travers, ça va valoir la peine après. C'est ça. Donc, pré-2012, il y a eu ce qu'on appelle mot qui m'écœure, le printemps érable 2012. Ouais. Bon, le terme me tombe bien raide sur le cœur. Mm-hmm. Tu sais, comme quand on mange trop de tir, ouais. quand tu l'entends trop. Ouais. Surtout que ça avait été... Le terme, c'était un journaliste français qui avait sorti ça à l'origine pour un peu rire de nous autres parce les Français trouvaient qu'on savait pas manifester comme du monde. Wow. Ça vous donne une idée. Puis après ça, on s'est comme approprié ça. Mais bon... Je trouve ça très, très douteux comme choix, mais bref. On se l'a approprié sans savoir ce que ça voulait dire. C'est ça. Tu sais, la pensée critique, des fois. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Près 2012, c'était un peu l'état des choses. Il y avait la FERC qui était à l'université, l'association nationale assez dominante, qui avait un style relativement corporatiste, dans le sens qu'il fonctionnait vraiment ce qu'on pourrait appeler top-down, c'est-à-dire qu'il y avait des élus centralisés à la FERC qui prenaient des décisions, puis qu'après ça, ils en informaient les associations membres. Le GEQTR, on a déjà été une association membre de la FERC. On s'est désaffilié en 2009 parce qu'on trouvait ça, premièrement, non représentatif. Puis, différentes raisons, en fait, là, je dirais que ça coûtait très cher aussi être membre de la FERC. Okay. On faisait la joke, on disait que le GEQTR envoyait quelque chose comme 20 000 par année de cotisation à la FERC. Puis, ça payait à peu près leur loyer de leur bureau. Ah, wow! Pour dire le genre de machine que ça pouvait être. Puis là, je parle au passé parce que la FERC est morte de sa belle mort au printemps dernier. Ah. Mais je vais y venir. Il y avait la FEC qui est à peu près l'équivalent à mon collégial. On me dit que mon collégial, je me suis beaucoup moins impliqué. Puis on me dit que la FEC était plus respectueuse des assos membres. D'ailleurs, la FEC existe encore, contrairement à la FERC. Elle était beaucoup plus à l'écoute des associations membres. Puis, à travers de tout ça, il y a l'AC qu'on connaît comme... généralement, on se les fait présenter comme les pèteux de vitre. OK, oui. Ça, c'est ASSE avec son aigu pour ouais, c'est ça. Ouais, l'AC. L'AC. Je sais qu'il y a une manière que les ACistes n'aiment pas se le faire prononcer. Je m'en rappelle pas ça. AC. Mais quand tu dis ça? AC. AC. C'est pas CA? Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, l'AC, puis là, je caricature parce qu'ils n'ont pas juste comme position de péter des vitres, là. En fait, ils n'ont pas comme position de péter des vitres. C'est pas officiel, c'est une image qui leur... En fait, c'est surtout une image qui leur a été collée, c'est qu'ils sont eux autres sont un petit peu plus forts sur toute la question de désobéissance civile. Ouais. Qui n'inclut pas nécessairement de péter des trucs. Désobéissance civile, c'est juste des trucs comme justement manifester. Puis bon, c'est eux autres qui ont été les plus grands défenseurs du ne pas donner son trajet des manifestations. Il y a une question de principe derrière ça. On pourrait dire que c'est pas très stratégique de faire ça parce que ça fait que la police leur rentre dedans bien raide. Il y en a qui m'ont répondu ouais, mais si on donne notre trajet, ils vont juste plus nous rentrer dedans, en fait. Un débat que moi, je veux pas embarquer là-dedans, ou les moyens de pression. Là. Mais surtout les détails des moyens de pression, là. Ça regarde les gens qui prennent les décisions de les faire. Tant qu'à moi. Donc, près 2012, c'était l'état de ça. Post 2012, il y a eu immensément beaucoup de désaffiliations à FERC parce que les gens ont été déçus, entre autres, de comment ça a été géré. Donc, comme je disais, au printemps dernier, la FERC est morte de sa belle mort parce que l'asso qui était la plus centrale à la FERC, c'était la FECUM, Fédération des associations étudiantes de l'Université de Montréal. FECUM de Metz. Comme le quoi? La FECUM de Metz. La FECUM de Metz, oui. La FECUM de Metz. Pour moi, j'ai pas dit que la FERC était morte, donc elle est feu. Mais finalement, tu l'as dit. Non, mais j'ai précisé que je l'avais pas dit. Ouais, mais tu l'as quand même dit. C'est vrai. Ouais, ça finit que tu l'as dit pareil. Ah, c'est ça, maudit, l'erreur que je fais à chaque fois. Littéralement à chaque fois. ça explique ta réputation. Ouais, c'est pour ça qu'on m'a engagé à l'impro aussi. Pour en avoir encore plus. À l'impro, c'est valorisé, ça en fait dire des choses qu'on devrait pas dire. C'est fou aussi, là. Je suis le matin, tu sais, c'est la grosse vedette du matin. On veut pas. Ben, pour ces fous, oui. C'est pas fou. C'est très relatif, tout ça. Hein? Ben, c'est relatif à ces fous. Ben, pour ces fous, c'est vrai. Exact. Bref, t'aurais pas fait ce genre de joke-là à Rouge FM, j'imagine. Pour ne pas les nommer. Non. Je sais pas. Peut-être juste pour prendre ma revanche contre Rouge FM, tu sais. Genre, faire mon bain ce mat, tu sais, là, il m'engage. J'arrive le premier jour, je fais cette joke-là, puis je suis sacré dehors, puis je fais comme « Ah, j'ai jamais voulu l'aimer ici, fuck you! » Non, je l'aurais pas. Je sais pas. Peut-être que oui. Peut-être. On va voir, on va essayer. Ben, tu sais, peut-être qu'ils cherchent un remplaçant. Non, les grandes gueules, c'est à énergie, hein? Oui. Ah, c'est Rick Salvaire qui remplace. On va passer un mal pour un pire. Bon, fait, on va arrêter d'être chauvin. Oui, même si on pense tout ce qu'on dit, et on dit tout ce qu'on pense. C'est correct, ça. C'est important, ça. Exact. Tant que c'est critiqué, il faut avoir réfléchi avant de le dire. Oui, est-ce oui. qu'on a réfléchi avant de dire oh, ça? Oh que oui! Je le pense tellement, j'ai réfléchi beaucoup. Bon. Donc, vas-y. Donc là, il y a comme un vide dans les assos étudiants, dans les assos nationales. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, il y a des gens qui ressentent le besoin. Le GEQTR, on est indépendant depuis 6 ans maintenant. Ça se passe assez bien. Ouais. Je dirais qu'on n'est pas... La seule fois qu'on a trouvé ça triste d'être indépendant, c'est quand il y a eu une suite au, justement à 2012, à l'automne 2012, quand le dans la courte période où on a eu un gouvernement péquiste, avant son harakiri. C'était un harakiri, là, je m'excuse. Là. C'était genre, je n'ai même pas compris qu'est-ce que c'était. C'est l'auto-épée dans le ventre. Ouais, c'est ça. L'auto, tu sais, les samouraïs japonais, ouais. là, quand ils sont pas contents, là, ils se tordent, là. Rentre l'épée, tord l'épée jusqu'à temps que tu. Tourner le fer dans la plaie, ça. C'est ça. C'est le paroxysme de tourner le fer dans la plaie, là. Ouais. C'est... Bref, tu le fais pour mettre fin à tes jours, là. C'est comme le. Tu peux pas plus tourner le fer dans la plaie que ça, là. Genre. Donc, c'est ça. Mais bref, c'est pour parler du PQ que je parlais de ça, c'est que le PQ... Rouge FM et PQ aujourd'hui, là, t'as des cibles. Hey, c'est effrayant. C'est virulent. Hein? Virulent, agressif. Ça a des messages à passer, tout de suite. Poursuite. diffamation, bon. Donc, je m'en vais me faire... En fait, moi, c'est parce que j'essaie de me faire engager à Québec. Ah ouais. Tu veux violer les ondes, mettons. C'est ça, exactement. Déplacer. Moi, il y a une pétition qui a commencé à circuler là, pour que le CRTC essaye d'assainir un peu les ondes à Québec. Ouais, là, ouais. Puis, parce non, moi, je suis contre ça. Ça se multiplie de plus en plus. Là. Tout le monde fait ce genre de radio-là à Québec en ce moment. C'est... Ouais, ben là, c'est que là, ils sont essayés à Montréal, ça n'a pas marché. Non, vraiment pas. Moi, je me dis, c'était à Trois-Rivières qui aurait dû en partir un. Je pense qu'il y a plus un public pour ça qu'à Montréal. Mais c'est très, très, très fort, cette station-là, ici, à Trois-Rivières. Oui, c'est vrai. Comment ouais, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui... Ils ont essayé un C'est quoi, ici, je veux dire, on avait déjà... En tout cas, tu sais, je veux dire, ils n'auraient pas dû essayer un C'est quoi, ils auraient dû essayer un radio. Pourquoi est-ce qu'on déraille autant aujourd'hui? On fait je ne sais pas. Toi. Moi, personnellement, j'ai pas énormément dormi la nuit passée, fait que ça donne ça. C'est peut-être ça. Mais on fait ça depuis 2-3 jours. Oui, mais avec Gabriel Béaud, tu t'attends à ça, c'est une chronique d'improvisation. Avec Sébastien, on est toujours super sérieux et directement dans la ligne directrice. C'est parce qu'il est agressif, il l'a dit tout à l'heure. C'est vrai? C'est ça, diffamation. Rouge F au lieu de... pour Sébastien F. La roue, t'insulte-moi pas. Quand est-ce qu'on va donner une émission à Rouge V, à V Télé? Rouge je sais à pas. V, c'est parfait. Ça serait parfait, effectivement, mais... Ton show fin de soirée? Moi, c'est... Tu sais, ça, c'est une affaire. Tu sais, il y a... On va prendre sujet, une pause. On va prendre une pause des assos étudiants. Tu sais, on en discutait un peu pareil dans ma première partie de chronique. Dans le fond, c'est la plus crunchy, anyway, fait que, ouais. Bon, allons-y. De toute façon, on va prendre une pause dans le cours d'histoire du mouvement étudiant. Fait qu'on va revenir là où t'es rendu plus tard. Moi, c'est ça? Dans mon début de chronique, je vois ta face, Mathieu, t'as ça l'air découragé. Ça va être difficile d'y retourner tantôt. Bon, regarde bien ça. J'ai mon idée de comment je vais ramener ça. Dans la première partie, tu sais, je dis chronique parce que cette partie-là, c'est peut-être un petit peu plus une chronique qu'un édito quand même. Ouais. Parce que j'essaie de plus faire un peu de la sensibilisation sur la question de la culture du viol. Je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, je commence en disant, je sais que toi, lecteur, t'entends viol, puis t'es pas d'accord avec ça. La très, très, très grande majorité du monde, on s'entend, c'est rare le monde qui vont dire que le viol, c'est une bonne chose. On s'entend, là? J'espère, en tout cas, ouais. C'est très, très, très, très rare. Je sais pas s'il y a eu un sondage à LCN là-dessus, là. À part Rouge V, généralement, les gens sont quand même assez conscients que c'est pas très, très acceptable en société. Non. Bon. On part sur cette base-là, tu sais. Tout le monde ici, on est d'accord que... C'est un acquis. C'est un acquis, là, tu sais. Par contre, on peut... Ce qui est comme subtil, qui s'insinue là-dedans pour faire du mal, insidieux, c'est ça le mot que je cherchais. Oh, wow. Ce qui est insidieux de la chose, c'est que des fois, sans vouloir défendre des comportements vraiment, évidemment, non acceptables, on va avoir un réflexe de peut-être en défendre quand même certains qui, sans être la violence sexuelle, qui vont quand même rendre la situation plus difficile sur certaines personnes en regard de questions sexuelles. C'est un peu ça le problème, t'sais, la plupart du monde, c'est ça, c'est un peu comme personne n'est sexiste dans la vie, mais ça reste que les femmes gagnent moins au Québec que les hommes encore. Encore, ça, ouais. C'est un peu la même affaire. C'est un petit fond de de... Ben, on s'en rend peut-être pas tout à fait compte qu'on fait ça, c'est mais on fait pareil. C'est un restant qui est tellement, comme pour les gens petits, qu'on l'oublie puis on cherche pas à le corriger. Alors c'est qu'on ça. Devrait peut-être chercher à éliminer toute trace du problème. C'est ça, c'est ouais. ça. Puis, tu sais, quand on dit petit, tu sais, que je parle de l'équité salariale, je pense j'ai vu des chiffres, c'était quelque chose comme 30% là, de ouais, différence là, en moyenne. Là, c'est quand même... C'est quand même pas si petit que ça. C'est plus que les taxes. Mais tu sais, c'est ça. Ça reste que la raison de ça, ben, c'est des comportements beaucoup plus subtils et justement insidieux. Là, je pense que c'est ça le mot. Donc, quand dans ma chronique, moi, le but, c'est de sensibiliser les gens qui sont de bonne foi, mais qui ne se rendent pas nécessairement compte de ce qu'ils font des fois. C'est un peu ça l'idée. Puis, mais il y a des gens comme Rouge Vie, justement, qui sont fait une tribune en disant qu'il faudrait légaliser le viol de ses propriétés privées. Juste là, tu commences par le mot propriété. Ouais, c'est ça. C'est wow, hein? Mais tu sais, quand il dit propriété privée, c'est sur le terrain de chez quelqu'un. Là. OK, non, c'est pas le corps de la personne. Non, c'est ça. Non, il n'y a pas question d'esclave sexuel. Tu peux pas la violer dans la rue, mais écoute, si je l'amène chez nous, c'est correct. C'est ça. Elle a voulu venir chez vous, ben oui. Mais c'est, en fait, ce qu'il veut, c'est se faire régulariser son statut de pick-up artist, qu'on appelle. Ah oui. Tu sais, pick-up artist, pour ceux qui connaissent pas ça. Il n'y a pas vraiment de terme français, là, ouais. mais c'est des gens qui se font une spécialité de faire... en fait, je dis des gens, mais c'est tout le temps des gars. Ouais, c'est ça en plus. Qui font la chasse à la gente féminine. Moi, je veux savoir mon nom pour pick-up artist. Non, mais donc. C'est quelqu'un qui fait de la... Faut que je l'aille comme fou du premier coup. C'est quelqu'un qui chauffe un pick-up. Non. C'est quelqu'un qui fait de la... Prestidigitation. Prestidigitation, c'est comme tu sais, les mains vont vite, là. Prestidigitation. Ouais. Hein? Pas pire, hein? C'est parce que sinon, c'était prestidigitation, puis je voulais pas mettre le mot vagin. Mais là, trop tard, c'est fait. Ah, excuse-moi. Ah, c'est ça la twist. Chaque fois. Faut que t'arrêtes. Mathieu, quand t'as décidé que cette affaire-là, je la dirais pas. Dis-nous pas que tu l'as dit. Je pense que ça va régler des problèmes dans ta vie, puis ça va peut-être t'éviter une poursuite à un moment donné. Ah, hey, c'est pas moi qui vais se faire poursuivre, c'est toi dans le Une chance que vous êtes là, les amis. Une chance. Qu'est-ce que tu ferais sans nous, hein? Je vais retenir pour la prochaine fois que j'essaierai de dire ça. Je pense que tu devrais demander une augmentation, Tania. Je devrais. Tu me sauves la vie sur une base régulière. Parlant de malaise. Ouais, parlant de malaise, le gros malaise qui est arrivé avec les associations étudiantes, c'est que là, il n'y en a plus. Il y a du monde qui trouve ça important d'en avoir, les assos nationales. Puis loin de moi de dire qu'ils n'ont pas complètement raison. Ce que je dis, c'est que l'expérience qu'on en a eue à l'EGEQTR depuis 6 ans, ouais. presque 7 en fait. Ouais. En fait, la désaffiliation, c'était au printemps, si je me rappelle bien. Fait que ça ne va pas encore 7, là, c'est ça. L'expérience qu'on en a eue, c'est qu'on en a. C'est pas nécessaire dans la vie. Par contre, il y en a qui trouvent ça très important. Et là, ce qui arrive, c'est que là, c'est la course à qui va faire la prochaine. La prochaine grosse qui va fédérer les gens. Oui. Fait que là, depuis que. Parce qu'on s'entend, la FERC est. La FERC? La FERC. Comme tu dis? depuis le printemps, mais en fait, dans les faits, c'était mort depuis bien avant ça. C'est juste que là, la FECUM a quitté le bateau. La FECUM, c'était la majorité des membres qui restaient. En fait, ça a longtemps été la majorité des membres. Ce qui faisait que les mauvaises langues faisaient dire que la FERC, en fait, c'était la bébelle de la FECUM, parce que la FECUM décidait presque tout. La FECUM avait quasiment seul un vote majoritaire, quasiment. Ça y prenait une couple d'autres assos. C'est ça. C'est que le problème qu'il y avait ces associations-là, c'était que ça allait au... Dans le fond, quand il y avait des décisions à prendre, les votes allaient au prorata du membership à base. Donc, une association qui regroupe plus de membres a plus de votes. Plus de quoi? A priori, ça a l'air d'une bonne idée. C'est représentatif. Proportionnel. Comme ça, le problème de ça, c'est que vu que il y avait de la danne des associations comme la FECUM qui représente 30 000, 40 000 membres. Nous autres, le GEQTR, avec nos 10 000, 12 000 membres, 10-12. On faisait pitié. 10 ou 12 000 membres. Comme les gens 10-12 000. Ben, on avait le quart de leur vote à peu près. Ouais. Donc, nos affaires passaient pas souvent. Y avait la CADEL là-dedans aussi, l'association de les premiers cycles de l'Université Laval, que c'était encore une trentaine de mille membres. la cadelle puis la fécoum, quand les deux voulaient la même affaire, les autres mangeaient de la je ne dirais pas en onde, comme Mathieu le fait d'habitude. Oh shit! C'est le cas de le dire, cadelle. Il y a plein de beaux jeux de mots comme ça. Mais oui, ils ont sûrement tout déjà fait. Donc, en réaction au fait que, bon, là, on voyait que la FERC était sa belle-mère, fait qu'il y a des assauts de région, dans le fond, ce qu'on pourrait appeler le club des frustrés de la FERC. Mais que le nom officiel, c'était la table des régions. Il y avait nous autres. En fait, c'était toutes les associations des universités régionales. Nous autres, Rimouski, Chicoutimi, ces assauts-là. Je pense que la CADEL participait d'ailleurs au début même. Puis, bon, l'idée, c'était de ne pas de recréer une association qui aurait du bon sens et qui ne répéterait pas les erreurs de la FERC. C'est-à-dire que toutes les associations auraient voix au chapitre. Parce que là, le problème, c'est que les universités de mettons, montréalaises et, mettons, la CADEL qui est à Québec, à l'Université Laval, il y avait quand même à peu près les mêmes problèmes, les mêmes soucis. C'est des problèmes de grosses associations. Mais c'est ça. Très, très corporelles. Qui ressemblent à des grosses corporations. Mm-hmm. Là, j'ai eu QTR. Je pense qu'en tant qu'étudiant de QTR, on peut être fier. Je l'ai rencontré beaucoup d'assos. Là, j'ai eu QTR est quand même assez solide sur ses dossiers, malgré tout ce que je vais dire pour critiquer l'exécutif. Là, j'ai eu QTR est quand même assez rigoureuse, contrairement à beaucoup d'autres associations. Mais c'est rien comparé aux machines administratives qu'il y a à Montréal et à Québec dans les très grosses associations. Mais c'est sûr, quand tu représentes 40 000 personnes, c'est pas pareil comme en représenter 10 000. Mm-hmm. C'est sûr que c'est pas la même affaire. Donc c'est ça. La table des régions, on voulait faire quelque chose du genre, comme ça que les problèmes des associations régionales, même s'ils représentent moins de personnes, vont quand même être amenés à discussion, puis tout le monde va pouvoir participer à les aider là-dedans. Ça va pas juste être tout le temps ce qui dérange les gens de Montréal. Donc, des trucs qui pouvaient arriver quand on était à FERC, c'était des choses, mettons, par rapport, ils voulaient faire les moyens de pression contre la SPVM pour changer certains... J'ai dit la SPVM, c'est pas la police pantoute. La STM, je voulais dire. À Montréal, la STTR à Montréal. Ouais, exact. Ben, pour changer des trajets d'autobus. Puis là, GEQTR devait donner de l'argent pour financer ces moyens de pression-là. Ce qui était complètement aberrant. Bon, ça, c'est des choses qu'on veut plus qu'il arrive. Là, je donne un exemple. Là, parmi tant d'autres. Je sais pas si c'est vraiment déjà arrivé, mais tu sais, on m'a rapporté un paquet de cas que c'était des trucs dans ce genre-là. Pas. Ouais. C'est juste que je les ai pas en mémoire. Mais donc, c'est ça. Donc, la table des régions, les gens se rencontraient, discutaient un peu de ce qu'ils voudraient. Au début, c'était bien informel. Tranquillement, pas vite, ça a commencé à prendre forme un peu. Puis, c'est devenu, là, excusez-moi, je vais sortir ça parce que ça a un autre nom à cette heure, l'Association pour la voix étudiante au Québec, l'AVEC. Donc, c'est ça. Là, ce qu'on a appris, il y a eu déjà une couple de réunions là, que là, vraiment, là, toutes les associations de la province étaient conviées à venir discuter de ce qui était de ce qu'ils voulaient, dans le fond, que l'association fonctionne. J'en parle un peu dans l'éditorial, tu sais, là, les mauvaises langues, elles me menaient à certains moments, disaient que ouais, c'était quasiment la FERC 2.0, là, puis, okay. Mais c'est ça. Finalement, il y a apparemment que les décisions qui ont été prises, puis ça, c'est que c'est très dur à savoir ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a personne qui est vraiment responsable de ça. Il faut que l'association va être constituée, va avoir des documents, puis ainsi de suite, mais présentement, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de site Internet. Tout ce qu'on en sait, la plupart des... Moi, les informations que j'ai eues pour faire mon éditorial, c'était à cause que le GEQTR a publié une offre d'emploi comme pour avoir quelqu'un qui va écrire l'espèce d'acte constitutif de l'association. Là. C'est là que j'ai trouvé les informations. Là. Fait qu'on s'entend, là, c'est pas les gros chars. Il n'y a pas tant de détails que ça. On sait que ça va s'appeler l'AVEC. Puis on sait que ça va se vouloir assez décentralisé et assez région power. Donc là, ce qu'on a appris, et là se trouve le malaise, c'est que là, c'est drôle, mais pendant ce temps-là, finalement, la CADEL sort de nulle part et présente l'UEC, l'Union étudiante du Québec. OK. Bizarre. Donc là, premier réflexe quand j'entends parler de ça, la CADEL, eux autres, ils participaient à la table des régions, justement. Oui. Ils sont pas contents. Hein? Ah, c'est drôle. Mm-hmm. Fait qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais. Là, il y a le malaise un peu. Parce que là, c'est OK. Fait que dans le fond, vu que là, ça s'enlignait pour être plus décentralisé, plus région power, y avait-tu peur de plus avoir la même mainmise qu'il y avait dans le temps? Ça ressemble un peu à ça. C'est un petit peu plate. Ouais, c'est un petit peu plate parce que là, après ça, ben, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir encore deux associations. Puis là, ben, en fait, trois parce que l'AC existe encore. Là. Ouais. Donc, puis là, il va peut-être avoir des doubles affiliations. Là, c'est-à-dire que des gens vont participer à une, mais pas à l'autre. Puis il y en a qui vont participer aux deux. Puis il y en a qui vont participer aux trois. Puis on ne sait pas. Là. Mm. Je veux dire, même en n'étant pas membre de certaines associations, ça arrivait que le GEQTR se présentait dans un congrès pour voir ce qui se passait. Je veux dire, ça aurait été très possible qu'éventuellement, il soit question de réaffilier quelqu'un, peut-être même réaffilier la FERC. Je pense que ça s'est déjà discuté. Là. Ça a été balayé du revers de la main, mais ça reste que ça s'est déjà discuté. Fait que, moi, ce que je trouve plate avec ça, c'est qu'on avait l'occasion de faire quelque chose qui était quand même assez juste pour tout le monde, de représenter tout le monde au Québec, de peut-être, pour une fois, pas le prêter le flanc à la critique de « on sait bien, le mouvement étudiant, c'est des organisistes, une gang d'énervés, pis ci, pis ça. » Puis là, ben, on est en train de scraper ça pour des raisons un peu peut-être partisanes ou, j'ai le goût de dire, quasiment égocentriques, en fait. Mm-hmm. Parce que c'est un peu ça, maintenant, tu sais, quand tu dis que tu t'en vas parce que t'as plus le même rapport de force que t'avais sur le groupement commun. T'sais. Là, c'est sûr qu'on s'entend, je connais pas les raisons officielles. Mm. Eux autres, ils ont juste dit « Ah ouais, by the way, l'UEC, on va être fondé au printemps, puis c'est une bien bonne affaire, puis tout le monde trouve que c'est une bien bonne affaire. » Puis d'ailleurs, c'est très drôle pour comprendre un peu c'était quoi l'UEC. J'ai lu des articles de mon vis-à-vis au journal de l'éditorial. J'ai lu les éditoriaux du journal de l'Université Laval à ce sujet-là. Puis là, eux autres, c'est très clair. Ça prend une affiliation nationale. C'est super important. Les raisons sont évidentes. À part de ça, ça vaut même pas la peine. Je me dis, tu vois que même en dedans du Québec, on a des différences de culture assez prononcées entre les places. C'est ça. Donc, je trouve ça décevant, en fait, parce que, c'est ça, comme je disais, j'espérais vraiment qu'on finisse par faire quelque chose de sérieux au Québec, puis qu'il ne tomberait pas comme, par exemple, la FERC était très bien vue en dehors du mouvement étudiant, dans le sens que c'était des jeunes là, qui étaient tout le temps en veston, puis que, c'était très sérieux, ils arrivaient avec des états financiers, ils arrivaient avec ci, puis bon, d'autres par en dessous, on savait qu'ils se payaient des soupers à tour de bras avec les cotisations, puis des trucs comme ça, là, mais... Vous allez me dire, c'est un peu pareil comme en politique. Ouais, hein? Ça ressemble à ça. Ouais, c'est finalement, ils vont tous être politiciens demain. Ben, ça commence par là, souvent. Je tiens à dire que, bon, lui, c'était la FEC, mais s'il y en a qui se rappellent de Léo Bureau-Blouin, c'était la même gang, tu sais. Okay. Il est rendu candidat pour le PQ. Martine Desjardins, c'était la présidente de la FERC. Elle s'est présentée pour le PQ. Puis là, elle a une job de bureau pour eux autres, je pense à Star ou un truc du genre. Là. Non, c'est vrai, elle est chroniqueuse, elle. Oui, elle est chroniqueuse. À Montréal. Ouais, puis dans le journal de Montréal pendant un bout de temps. Okay. Mais c'était-tu le HuffPost, elle? Ah, je sais plus. Du pareil au même, hein? Je sais plus. Mais, tu sais, c'est ça. Puis c'est pas les seuls, là. C'est très, très connu qu'il y a un paquet de gens, les recherchistes du Bureau national du PQ. Il y en a plein, là, que c'est des anciens de la FERC, là. C'est très, très proche, là. Fait que sans dire que... On peut supposer des choses, mais on peut pas les accuser, disons. Mais, ouais. Mettons qu'il y a certaines choses qu'on peut constater. On va dire ça comme ça. C'est ça. Ouais, disons que dans ta chronique cette semaine, t'es passé vraiment... Non, mais c'est ça, c'est une joke que je voulais pas faire. Je voulais faire une... Vu qu'il est retourné à la culture du viol, j'aurais pu faire la blague, mettons, qui est passé du coq à l'anal, mais je serais pas... Tu commences à le faire. Ouais. Oh, troisième fois! Ça va te prendre un élastique autour du poignet. Ouais, c'est ça. Sébastien Vigartin, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. On te retrouve la semaine prochaine ou tu vas parler d'un autre sujet que celle de ta chronique? Ouais. Que celui de ta chronique, c'est un sujet. On a compris. C'est pas le même sujet que la chronique. Ce n'est pas le même sujet. Mais c'est quand même tous les mercredis à 8h. Ouais. La chronique. Merci. Merci Sébastien. Merci à vous. Yeah. Bonne semaine. Bonne semaine. Good journée, ça n'a pas chanté ça, enfin, je pense. au retour, on aura notre ami Frédéric Bernard et sa collègue Google Globe. Il va poser une question à Internet à Google. Ploup, ploup, ploup. Il va entrer ça, faire rechercher. Il va nous donner les résultats pendant une demi-heure juste après la pause. Vous êtes à Assemblage Requis sur C'est Fou, 80 FM. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est Fou, 89 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. retour, vous êtes à Assemblage Requis en ce mercredi 23 septembre 2015. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ah, une chance que nos chroniqueurs embarquent dans nos niaiseries là, par moment. Ben, plus mes niaiseries par moment. Hein. Une chance. Est-ce que t'en fais aussi des niaiseries? Oui, toi, t'insultes les gens, puis tu t'excuses après. Fait que ça excuse tout. T'es correct. Mais pas ça excuse tout, mais au moins, ça allait excuser ce que j'avais à me c'est faire ça. Excuser. Ça l'explique pas nécessairement, hein, mais... C'est ça. Quand même. Dans quelques instants, Frédéric Bernard, on l'a dit avec Google Globe, mais pour tout de suite, voici Galaxy et la pièce Champ de mine, parce que des fois, on sait pas trop où piler avec nos jokes. On pourrait exploser un peu. Assemblage requis sur C'est fou! Times, but when I close my eyes, melt away, like you're here in my arms at the end of the day. So bring me the night, send out the stars, 'cause when I'm dreaming we don't seem so far. Darken the sky and light up the moon, so that somehow you'll be here with me soon. Bring me the night, bring me the night that brings me to you. The night. Ou comme dirait Tania. Hey, excusez-moi. Je sais que je croyais que j'allais attumer. C'était okay. Bring Me the Night de Sam Tui et Kina Grennis. Eh ben. Ben oui. Cool. On en reparlera peut-être de ça. Ah, peut-être, qui sait. Une auditrice me fait part du message qu'apparemment que l'auto Google Street View est présentement au Québec en train de filmer dans différentes villes du Québec. Ouh. Là, en ce moment, elle m'a écrit là ce matin à 8h44, elle a croisé. Là. C'est sûrement. Ceux qui accompagnent la chronique de Frédéric Bernard. Pour lui donner ces informations, voici sûrement. Google Globe. Pardon. C'était... sur YouTube, il y a un autoplay. T'sais, depuis quelques mois, il y a un autoplay, le bouton autoplay à côté de YouTube. Oui. Fait que quand une vidéo termine, l'autre commence. Fait que c'est le prochain clip dans la playlist de ce qu'on écoutait juste avant. Oh, OK. Ah, c'était drôle. Ah, ben ça peut passer. Malaise. Mais moi, je suis transparent. Mais hein? Oui, on a vu ça tantôt. Donc, Frédéric Bernard qui est là pour la chronique Google Globe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Oui. Enchanté. Ça va bien? Ben oui, ça, toi? Ça va? Oui. Ah, ça va tout correct. Oui, il y avait un bon matin. Ouais, cadre recrutement d'impro hier, tu sais. Oui, c'est vrai, il y avait le cadre recrutement. Oui, ma grande surprise. Non, j'y pensais pas, j'y croyais pas. Il a fallu que j'annule un paquet d'affaires tellement j'y croyais pas. Tu t'es inscrit à d'autres ligues d'impro. Ah, je m'étais organisé dans plein de trucs les lundis soirs. Mais non, ça va bien, vous pourrez venir me voir les lundis soirs à la Luître. Je jouerai pas tous les soirs parce que c'est impossible de jouer dans toutes les équipes. Mais vous pourrez venir me voir, me poser des questions sur ma chronique. Sinon, je veux rien savoir. Donc, vous pouvez juste me poser des questions sur ma chronique. Ben, par contre, c'était parfait. Génial. Et très clair. Un improvisateur de talent. Donc, parlant de ta chronique, c'est Google Globe où on présente une question à Google et on se demande, genre, est-ce qu'on va avoir le résultat, la réponse à notre question? On n'est pas limité, justement, dans la question. Je peux poser n'importe quelle question. On essaye, la seule règle que je me donne, c'est de rester sur une question où je sais que dans mon fond intérieur, il n'y a pas vraiment de réponse. Ah, OK, c'est arrangé avec le gars des entendus. Je pose une question assez absurde ou si je trouve une réponse, tant mieux. Ça serait c'est mon point culminant à chaque chronique en même temps. Est-ce que j'en ai trouvé une ou pas? Mais en même temps, je suis pas nécessairement à la recherche de la réponse toute crue, toute faite. C'est ça. Ta chronique est courte aujourd'hui, donc moins de 35-40 minutes, c'est ça? À peu près? On en reparlera. OK. Donc, la question que j'ai posée, justement, me laissait au contraire, j'ai eu plus d'une réponse. Cette fois-ci, alors contrairement à la semaine passée où on était en quête de réponse, on n'en avait pas eu une. On la se question rappelle, était... Le bienfait des shampoings dans les yeux. Ouais. Alors, ça nous a permis de faire un tour vraiment des shampoings, des trucs un peu plus absurdes autour de ce savon si souvent sous-estimé. et surtout de donner un paquet de sites avec des tests bizarres. entre autres, moi, je me rappelle de la bave d'escargot. C'est surtout... Oui. Je me souviens du coke aussi dans les cheveux. Oui. La bière. J'avais trouvé ça intéressant. J'avais aimé ça. cette semaine, j'ai posé à Google comme question, où sont les extraterrestres? Oh! Où sont? Pas que sont-ils? Pourquoi existent-ils? Ils sont où? Là? On sait c'est quoi des extraterrestres. Peux-tu me tenter sur une des réponses? Oui. Roswell. Roswell, Area 51. Ben, je sais pas si c'est parce que l'algorithme que je fais avec Google dans mes précédentes recherches m'amène pas vers ça, mais Roosevelt, je l'ai trouvé une fois. Ah! Wow! J'ai c'était vraiment... la série télé. Oui, Non, même pas. Mais oui, je me rappelle de ça. C'est vieux. Bon, ça? Non, tellement. C'est pas si vieux que ça. C'est très vieux. Peut-être. Hey, j'étais au primaire, moi. Pas moi. Donc, j'ai posé la question, où sont les extraterrestres? Alors, avoir un peu... c'est drôle, j'ai tombé sur les mêmes images. Je viens de voir Tania qui a tapé ça dans Google. T'es pas connecté à Google et toi, tu l'étais et t'as eu les mêmes images, Fred. Oui, ben quand je me suis connecté, moi, j'ai eu les mêmes images qui ont apparu. Oui, je viens de poser la question à Google aussi. Ben c'est pas si pire, c'est quand même les mêmes résultats, mais en tout cas pour la première page. Là. Okay. Fait que dans la première page, entre autres, ce que tu peux voir dans les deuxièmes résultats, c'est les extraterrestres de Vega. Connais-tu les extraterrestres de Vega? Non. Je connaissais pas ça non plus. C'est qui eux? Et apparemment, ils sont pacifiques. Oui! On va se le dire, franchement, y a-tu des fans vraiment d'extraterrestres ici qui s'informent de ça, qui, pas nécessairement que la partie extraterrestre, mais la partie scientifique, vraiment, je sais pas, Mathieu, c'est un sujet que... Non, pas vraiment. Moi, j'aime la fiction autour de ça. Okay. Je trouve que c'est une bonne thématique, mais en tant que telle, la science derrière ça, s'il y en a, m'intéresse plus ou moins. Ben, savoir s'il y a une autre vie autre que sur la Terre. Oui, c'est ça. Je pense que oui, parce que ça m'intéresse à savoir. On ne doit pas être les seuls qui rapides dans cet univers-là. Comment tu veux que ce soit? C'est au-delà, souvent, quand on va taper le thème extraterrestre, c'est au-delà du fait de le bonhomme vert ou d'autres. C'est vraiment autour de y a-tu d'autres formes de vie. Ouais, faut vraiment le voir comme ça. Je ne suis pas non plus un connaisseur de ce milieu-là. Pour être honnête, j'ai appris un paquet d'affaires qui semblaient, pour les gens de ce milieu-là, d'une évidence. Par exemple, comme les extraterrestres de Vega, ça semble être très connu, très répandu comme théorie. Alors, on a donné plusieurs races possibles d'extraterrestres, si on veut, de gens qui viendraient nous visiter, puis on en fait une description plus que précise. Comme si tu... Probablement que si tu cliques sur la présentation, tu vois, c'est ça. Fait que c'est plus d'une page là, où on t'explique comment ils vivent, c'est quoi leur culture, leurs coutumes. Tout ça est supposé, évidemment. Tout ça est supposé. Ouais. On dit qu'ils sont déjà venus. Entre autres, on disait qu'ils sont pacifiques. Bon, qu'est-ce qu'on en sent en fin de compte? Ouais, c'est ça. C'est comment il sait tout ça, lui? Y a-tu juste des Végas? Y a-tu des V-filles? On sait pas. Ouais, c'est des V-personnes. Tu sais, c'est marqué que Pierre Monet appelle les Galactiques. C'est qui, Pierre Monet, qui a décidé que ça s'appelait les Galactiques? C'est... il faut, faudrait le on taper. On va demander à Guga. C'est le frère de Johnny Cash, Pierre Monnet. Ah, oh, oh boy, hein? Donc, vraiment, on a le premier site, c'est entre autres ça, les Vegas. Et le deuxième site qui est un peu dans cette idée-là, c'est 5 espèces extraterrestres qu'on peut retrouver. Fait que, au-delà des Vegas, alors 5 espèces extraterrestres qui sont communes. Alors, c'était leur nom latin, genre l'extraterrestre. Oui. Et mais encore là, on a une description assez précise. Là. Je pense que c'est le premier, toi, dans ceux que t'as. Est-ce qu'ils ont des chats extraterrestres, des chiens extraterrestres, des animaux de compagnie extraterrestres? On sait pas. Non, on sait pas. Mais on sait pas. Mais sur ce site-là, c'est bien que tu sois dessus. Ça me rappelle une chose. On a même des photos de ces extraterrestres-là. Fait que oui. Bon, ok, je vous le dis tout de suite. Il y en a un qui a vraiment l'air de. Ok, c'est du Photoshop. Ok. Hey, le chien, c'est qui lui? Comment il ressemble vraiment gros à une main là? Wow. Tu es du genre avec toutes les émissions de trouver le Yeti ou le Bigfoot à la TV là. Tu vas être ce genre-là. Moi, suivre ça. Les chasseurs de fantômes, genre. Mais les images sont belles. Pour ceux qui sont fans, justement, de science-fiction ou de littérature et qui veulent travailler ou tout simplement s'inspirer, c'est quand même un site intéressant pour se lancer dans cette culture-là, savoir c'est quoi les idées qui sont déjà faites. On retrouve des idées là-dessus sur ce site-là qu'on retrouve dans des science-fiction comme Star Trek. Tu me parlais de X-Files. On lit des affaires. Moi, je les lis en diagonale, évidemment, les sites, là, mais on lit des trucs qui reviennent beaucoup dans les séries de science-fiction ou dans les livres de science-fiction. Alors, c'est quand même inspirant de ce côté-là. Le site, c'est celui du Nouvel Ordre Mondial. C'est vraiment complotiste et théoriste de plein de choses. C'est, On va tomber sur plein d'affaires comme ça. Oui, il y a beaucoup de trucs, entre autres. J'ai essayé de les éviter le plus possible, mais c'est quand même vraiment difficile. Il y en a beaucoup. C'est étonnant. Je vous dirais, la plupart des gens, des endroits où il y a une grosse description des extraterrestres puis de cet univers-là, puis que ça semble surréaliste, ben que c'est surréaliste. On va se le dire franchement, là, c'est surréaliste. Mais c'est surréaliste parce qu'on connaît pas ça. Mais ça, c'est tout de l'inventer n'importe comment. Il n'y a rien de probablement scientifiquement genre prouvé dans ce lien-là. De ce que j'ai dans celui-là, probablement. De ce que j'ai lu, il n'y a rien. Ouais. C'est basé sur rien. Il y a une vidéo en plus qui parle d'un député de Russie, si je me rappelle bien, qui a déclaré qu'on a déjà été en contact avec les extraterrestres et que ça s'est... Bref, on a déjà été en contact. Ça commence juste avec une personne qui a une certaine désillusion psychologique puis qui soudainement convainc plein de gens parce qu'il est vraiment charismatique. Un peu comme toi, Frédéric Bernard, t'es charismatique. Tu pourrais convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Exactement, je l'utilise souvent. Attends. Ensuite, 10 planètes où vivent les extraterrestres. Fait que dans le fond, il faut bien qu'ils vivent à quelque part. On veut savoir où ils sont. Qui sont, c'est bien, mais nous, on veut savoir quelque chose. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est 5. C'est le deuxième pour toi. Je me rappelle plus si ce site-là, je pense que c'est plus un top 10 des possibilités où ils pourraient avoir une forme de vie. Ouais, c'est ça. C'est un endroit où c'est une possibilité qu'il pourrait avoir une forme de vie extraterrestre. Alors, là-dedans, on va parler de Vénus, on va parler des comètes. Alors, une possibilité sur les comètes, parce que sur les comètes qui sont atterries sur la Terre, on a trouvé des bactéries qui ont, grâce à des procédés scientifiques, on savait qu'ils étaient déjà sur la comète avant d'arriver sur la Terre. Donc, c'est différentes possibilités que s'il y avait des extraterrestres, s'il y a déjà eu une forme de vie, mais ils pourraient être sur ces planètes-là. Et pourquoi? Donc, c'est un top 10 pour les fans de top 10. Là. pour les fans de top 10. Ben, parce qu'il y en a beaucoup des top 10. Vraiment? Fait qu'on voit entre autres là-dedans des planètes que je n'avais jamais entendu parler. Mimas, Io, Encelade, Cérès. Non, plus. Ganymède. Non. Ah, Ganymède, ça, par contre, oui. Ah ouais, tu savais c'était quoi? Ben, je savais que ça existait, là. Je savais que c'était à quelque part dans le ciel. Oui, là. C'était fait enlever, puis ils t'ont amené là. Galilée. Ben, je pense que c'est son frère. C'est l'espèce de planète qu'ils ont renommée qui est à l'extrémité. Il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça, Ganymède. Je peux pas te dire exactement à quoi ça ressemble, puis c'est où, là. C'est pas un téléroman sur NBC, genre Ganymède, là. C'est une université de médecine, puis... Ah, peut-être. C'est ça, ouais, Ganymède. Oui. Bref. Il y a une planète qui s'appelle Europe aussi. Ah oui? Oui, mais si, je sais. Mars aussi, dans le top, je pense que c'est le premier dans le top, là, Mars. Alors, la possibilité, à cause qu'on a déjà trouvé qu'il y avait de l'eau dessus. Tout simplement, parce que c'est quand même bien expliqué, quand ils recherchent un endroit où il y a une forme de vie, ben ça part avec de l'eau. C'est faux. Évidemment. C'est la base. Ensuite, connaissez-vous Fermi, le paradoxe de Fermi? Fermi, non. Fermi. Fait que je sais pas si je le prononce Fermi, correctement. Fermi, Fermi. Fermi, Fermi, en fait, un Italien, alors qui avait une discussion avec des amis autour d'une table et sur les extraterrestres, justement. Et Fermi a lancé une question. Okay. Plus un commentaire, une remarque qui est devenue aujourd'hui un paradoxe, qui est assez connu alors c'est le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il dit oui, mais s'il y avait des extraterrestres, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas déjà été en contact avec eux? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas déjà tombés en contact avec nous? Ouais. Le paradoxe étant que l'univers est tellement grand, les possibilités sont tellement exponentielles que le fait de trouver une race qui serait assez évolué technologiquement pour nous rejoindre ou pour tout simplement nous communiquer ou envoyer comme nous un cossin dans l'espace, ouais, pour qu'on le capte, est assez faible quand on y pense, quand on le calcule. Peut-être qu'ils nous ont contactés et qu'ils nous ont effacé la mémoire. Ça, on peut pas prouver que c'est pas le cas. C'est vrai, c'est vrai. T'as écouté X-Files vraiment longtemps, toi. Faut pas être trop fermé d'esprit, fermé d'esprit. Oui, c'est ça. Il devait, tu sais, tu disais que c'était un Italien, il devait y avoir beaucoup de vin autour de la table. Oui, et du fermage. Mais là, ici, on parle pas de théorie. On parle vraiment d'un questionnement, oui, sur s'il y avait une vie ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tombé en contact avec eux? Et le site que je proposais, en fait, c'est d'expliquer finalement ce paradoxe de Fermi-là. Alors, c'est le paradoxe de Fermi pour les nuls. Alors, de fermier, genre. De fermier, les paradoxes de fermier. C'est quoi? Alors, c'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Oui, ou l'enveloppe. Donc, c'est ça, ça explique vraiment qu'est-ce que c'est. Puis ensuite, bon, ben, c'est sûr que ce paradoxe-là, moi, il est revenu plusieurs fois dans mes recherches. Et plusieurs fois, c'est des gens qui essayent de soit défaire le paradoxe, approuver le paradoxe, des gens qui vont l'utiliser pour dire oui, il y a de la vie, non, il n'y a pas de la vie, alors qu'ils essayent de l'expliquer. Bref, il n'y a pas de réponse toute crue à ça. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mm-hmm. Alors, ça lançait une belle conversation. Cool. T'aimes-tu ça, les lueurs bleues dans le ciel? Ah, oh, c'est beau! Oui. Oui. Un peu des petites taches, puis mm-hmm, ça passe des fois. Mm-hmm. Puis, ben, y en a une en... tu peux peut-être en taper dessus parce que je me rappelle plus si c'est Miami ou New York ou pas du tout ça. Je sais, ou Floride, peut-être Floride. Ça où? Je sais que c'est à quelque part aux États-Unis. C'est Floride. Floride du Sud. C'est ça, en fait, en Floride, ils ont vu dans le ciel, et les habitants de la Floride ont pu voir une comète, pas une comète, mais une espèce de halo bleu passer. Okay. Et ça y est, c'était les conspirations qu'ils venaient de voir un vaisseau spatial extraterrestre. C'est toujours la première affaire qui se disent. Oui, c'est ça. Il y avait eu la même affaire avec la fille qui fait la météo au Québec. Oui, oui. Il y avait eu une petite lueur en arrière d'elle, puis ça y est, c'est parti. Ça peut être n'importe quoi. Oui. Mais c'est tout le temps la première affaire que les gens disent. C'est ça. C'est en même temps, il faut comprendre que c'est la réponse facile. Vraiment. C'est la réponse facile. Je ne réfléchis pas du tout à ce que ça peut être. J'écoutais une vidéo. Moi, je suis très, très fan des vidéos, puis de tout ce qui est scientifique et de vulgarisation scientifique. Mm. Je dirais pas que j'irais dans le précis, mais tout ce qui est vulgarisation, moi, ça me passionne. Et il y en avait une des vidéos que j'écoutais, que je peux vous recommander, y penser. Alors, sur YouTube, c'est un podcasteur très bien fait, c'est un vulgarisateur. Alors, il fait ça de sa vie. Il expliquait justement que les scientifiques, la manière de procéder étant d'observer un fait, puis à partir de ce fait, avoir une théorie, puis trouver toutes les façons possibles de défaire leur propre théorie. Puis c'est seulement quand ils sont au bout d'un moment incapables de défaire leur théorie que là, ils sont certains que leur théorie est valide puis qu'elle sort. Ce qu'on fait pas avec les extraterrestres. Souvent, on dit c'est une coupe volante, on sort la théorie, on le dit, puis là, on prend tout ce qui nous plaît dans ce qu'on observe, puis on le colle à notre théorie au lieu de faire le contraire. Exact. Alors, d'essayer de trouver qu'est-ce qui colle pas. Alors, c'est un peu qu'est-ce qui fait que c'est probablement, mais c'est j'étudie pas en philo, venez me casser à la lutte si vous avez une autre explication. Surtout sur cette chronique. Donc, c'est ça, la lueur bleue qu'on a vue dans le ciel. Alors, les gens ont dit que c'était une soucoupe volante. C'était passé durant la nuit. Finalement, non, c'était pas une soucoupe volante. C'était des tests, un avion qui avait passé. Et selon la poussière, ce qu'il y avait dans le ciel, tout, c'était un avion à impulsion, là, très rapide. Là, je me rappelle plus c'est quoi le terme. Qui a passé puis qui a fait ce halo-là. Donc, si vous voulez le voir, l'image est quand même impressionnante. Pour vrai, ça vaut la peine. Les liens vont être sur assemblagerequis.com très bientôt. Puis ça, c'est pas une secte, c'est Yahoo. Oui, c'est... Ben, je sais pas, peut-être sans détente. Ben, ça dépend. Ça dépend. Ensuite, on tombe avec... aimez-vous Toy Story? J'ai jamais vu Toy Story. Oui, t'as jamais vu Toy Story? Je savais que tu me jugerais. L'âge X-Files. Ah ouais, c'est grave. Pourtant, j'aime les affaires qui sont un petit peu plus en bas de mon âge, mettons. Oh. Ben le dernier m'a fait pleurer, pouvez-vous croire? Ah, ouais. Ah, mais il était bon. La fin du dernier, ah, là. Ouais, oh. Ouais. Le dernier. Mathieu, il va falloir que tu le regardes. Ok, ok, mais. Ouais, mais commence par le premier, là. Pas le ouais, dernier. Pas le dernier. Tu vas rien comprendre. Non, je suis complétiste. Tu comprends pas. C'est sûr que je vais commencer par le dernier. Mais dans Toy Story, il y a des extraterrestres. Alors, il y a les petits bonhommes verts extraterrestres qui se retrouvent dans le premier film étant au Pizza Planet. Alors, pour ceux qui connaissent le film, ils savent c'est quoi le Pizza Planet. Des arcades. Oui, c'est ça. Ils sont dans les arcades. Ils sont dans une petite machine pour gagner ce toutou-là. Dans le deuxième film, ils sont les enfants de Monsieur Patate, ouais, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, les enfants de Monsieur Patate. Puis dans le troisième film, ils sont les acolytes de Cochon. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que sur le site que je vous propose, en fait, on retrace toutes les toutes leurs apparitions avec leur fameux gag et ce qui nous a marqué. Bon, pour les nostalgiques, si vous voulez aller voir ça, les extraterrestres de Pixar, il y a ça qui est sorti dans, faut dire, quand même dans les 5 premières pages. Là. C'est pas pire, ça. Ouais, c'est pas de moyenne, ouais. Un professeur de Cambridge, d'université, qui assure que les extraterrestres ressembleraient aux humains. Ben oui. Bon. Il assure ça, lui. C'est pas bête ce qu'il dit, par contre. OK. J'ai pas lu au complet, fait que je sais pas, je me mouille en même temps. Peut-être que ça va plus loin que ce que j'ai lu, puis que là, il met plein de théories et tout. Mais ce que lui expliquait, en fait, c'est que de façon biologique, il y avait pas 1000 manières de s'adapter à l'air et à l'eau. Si on prend en compte qu'il faut de l'eau, du carbone pour faire la vie, pour respirer ça, pour s'adapter à ça, il y avait pas 1000 manières de faire pour pouvoir se retrouver à peu près au même stade que nous. Il faut avoir de la mobilité, une façon de penser, tout. Comme il dit, il n'y a pas 1000 façons de voler, il n'y a pas 1000 façons de respirer dans l'eau non plus. Donc, veux pas, par ce fait biologique-là, c'est sûr qu'il doit avoir une certaine ressemblance avec l'humain. Il parle entre autres des chimpanzés, qui nous ressemblent beaucoup, qui ont quand même une certaine ressemblance avec l'être humain. Ouais. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Si ça vous intéresse, il y a un article là-dessus. Je trouvais ça quand même intéressant, ça aussi. Cool. Mais moi aussi, je tente à croire que s'il y avait des extraterrestres, ils ressembleraient beaucoup aux humains. Je sais pas ce que t'aimerais ça, sortir avec un extraterrestre. Ah, oh, ça serait tellement moins compliqué de te sortir avec un humain. Ben oui, tellement pas d'autres cultures à apprendre, pas d'autres manques de pensée. Simple. Vraiment simple. Toutes les langues, c'est le fun, genre, de parler d'un être vivant qu'on dit intelligent comme si il n'y a aucune intelligence. Ce serait cool, on pourrait jouer avec lui au baby-foot. Bon, OK, les choses qui nous intéressent vraiment. Les chats! Oui! Les chats, alors ils nous espionnent, ils sont chez nous. C'est des aliens selon... Selon le site internet, je trouvais ça très drôle. Pour vrai, je l'ai mis, je trouvais ça très drôle, mais le site est sérieux. Le site est sérieux et il nous explique que les chats sont des espions des extraterrestres. Hey, c'est pas la première fois hein, qu'on entend cette non, théorie-là. Non, je l'ai vu souvent, moi aussi. C'est bizarre. Ben, voyons hein? Donc. Puis que c'est pour ça que leurs yeux, ils flashent la nuit. Oui, c'est clair. Fait que là, le site répertorie plein de faits anormales que les chats savent... Oui, c'est de faits. Que les chats savent faire. Par exemple, ils disent « Roronner, aucun scientifique ne sait exactement d'où ça vient. » Alors, comment c'est possible? Pourtant, donc, si t'as pourquoi les chats ronronnent, t'as des réponses là, sur Internet. Là. Donc, le ronronnement, en fait, ça serait une façon de communiquer avec les extraterrestres. Wow. Il disait, avez-vous remarqué, si tu vas sur le site, le gars les étudie, c'est vrai, j'en ai vu un site où il était très sérieux, mais le site que j'ai choisi, le gars les explique. Par exemple, à un moment, il est défait. Je me rappelle qu'à un moment, il dit, il y a une théorie, puis il dit, non, ça, c'est complètement absurde. Puis il saute à l'autre dans ça. Okay. Fait que, il fait juste comme les expliquer. Je suis pas sûr qu'il défait vraiment. Il défait les théories, pas les chats. Ouais, c'est ça. Il défait les chats pour vous. Non. Au début, Oups. Hey, non, c'est pas moi ça aussi, que je j'ai pensé ça. C'est pour ça que j'ai réagi tantôt aussi. Je m'excuse. Non, ça n'est pas ça. Il défait pas les chats. Les chats, il n'y a aucun chat qui a été maltraité. Ils sont toujours en vie. Toujours cute, ils ronronnent toujours pour envoyer des signaux. Hey, j'étais là, Magnota s'est fait interner pour avoir fait ça pendant un bout. Mais en plus, sur le site, genre, la seule maltraitance qu'il y a eu sur les chats, la seule maltraitance, c'est de prendre des oreilles puis les mettre par en arrière. Je vous assure que c'est la seule maltraitance. Ah, au moins, c'est correct. Parce qu'il montre que ça ressemble à un E.T. quand on fait ça. Ah, ben oui! Ah, ben là, tout le monde peut ressembler à un E.T. Oui, mais là, c'est sûr que toi, tu... déguisé ou, tiens, voyons donc. C'est vrai que si on te prend les oreilles... C'est sûr que toi, tu prends du côté des chats, t'en as un. C'est sûr que je prends du côté des chats, franchement. Mais ça, ça parle beaucoup aussi. Mais sur les chats, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les chats, mais il y a 1000 théories sur les chats. C'est fou, hein? C'est pas juste sur les extraterrestres. Il y en a 1000. Il y en avait une, les chats prennent possession de nous. Fait que les chats nous obligent à les aimer. Ouais, ça, il y a une affaire dans leur crotte, genre, là, ouais. Qui est comme sécrétée, puis que le... y a une bactérie, puis là, ça va dans ton cerveau, puis ouais, il y a des théories là-dessus. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas de chat. Ouais, c'est le toxoplasma. Alors, toxoplasma, exactement ça. Ça sert à quoi d'avoir fait des études en santé animale? Ça existe. Voilà, fais ça. Le toxoplasma? Ouais. Mais oui, ça existe. Mais ça, en ça fait quelque chose dans ton cerveau, c'est ça que je veux savoir. Ben, selon ce que j'ai vu dans ce qu'on peut appeler le FIAB, oui. Oui, ça vient jouer une certaine forme au niveau du cerveau. Ils ont fait des tests sur des rats qui faisaient que les rats qui avaient très peur des chats, puis on comprend parce que le chat est un prédateur naturel du rat, quand on les mettait en contact avec le toxoplasmose, il y avait une tendance à aller vers le chat. Ah! Alors, ils ne s'enfuyaient plus du chat, ils avaient tendance à aller vers le chat. Et on suppose par ça qu'il pourrait y avoir une certaine même réaction sur notre cerveau. Le y penser, ça va être mon jour de plugger y penser, oui. Justement, que je trouve fascinant. La lettre I puis penser ou la lettre y. E, trait d'union, penser. E-R ou E, mettons? E-R. À l'infinitif. Oui, c'est ça. Donc, lui, il explique justement, il y a une vidéo qui dit pourquoi les chats sont virales sur Internet. Alors, c'est une vidéo scientifique qui dit, de façon scientifique, pourquoi les chats sont virales sur Internet. Et il parle de ça, du toxoplasmose, justement. Cool. Alors, allez l'écouter si vous voulez vous faire votre propre idée. C'est un vulgarisateur scientifique qui est très bien informé. Si je peux en recommander un, ça serait lui. Cool. Alors, d'aller voir ça si vous voulez plus d'informations là-dessus. 5 à 10. Selon certains témoins, les extraterrestres sont des nudistes. Bon, des chats et des tout nus. Ça, c'est Internet, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai rien d'autre à dire. Connaissez-vous Stephen Hawking? Oui. Oui, on le connaît tous. Non? C'est sûr. Non. Stephen Hawking, c'est... Il est en chaise roulante, paralysé et tout. Probablement un des probablement le plus grand scientifique de notre ère, ouais. Alors qu'il va marquer notre... Ben, quoi qu'on est au début du siècle, fait que c'est difficile de le dire, mais pour l'instant, même si on est au début du siècle, va probablement marquer notre siècle comme étant le Einstein du 21e. Ouais. C'est vraiment un génie, sa spécialité étant l'univers, les galaxies, les planètes et tout ça. Et bien sûr, quand on parle d'extraterrestres, quand on parle de science-fiction, c'est un scientifique vraiment, vraiment pointu. Puis quand on parle d'extraterrestres, de science-fiction, de vie, tout ça, c'est une sommité. Alors, il est là dans toutes les Comic-Con, quand on parle justement de science-fiction, il est là autant dans des congrès scientifiques. Bref, qu'est-ce qu'il fait Stephen Hawking? Il a investi 100 millions de sa poche pour un programme d'écoute. Donc, il se dit, avec 100 millions, on va essayer d'entendre des extraterrestres. Mmh. Fait que lui, en même temps, c'est un peu paradoxal pour Stephen Hawking de faire ça, parce que lui-même dit à tout le monde de, s'il y a des extraterrestres, ne pas tenter de rentrer en contact avec eux. OK, laissez faire les experts, peut-être. Ouais, mais non, il ne rentre pas en contact avec eux, il veut juste les écouter. Ah, OK, il ne faut pas les contacter. C'est oui. Pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que c'est vraiment un programme d'écoute. C'est vrai, vu de même, c'est logique. Parce que vraiment, lui, plusieurs fois, on le voit et c'est reconnu que sa mentalité à lui, c'est si on sait qu'il y a des extraterrestres, il recommande de ne pas tenter de communiquer par tous les moyens, de rien faire pour essayer de communiquer avec eux. Pourquoi? Je vous laisserai lire là-dessus. C'est assez complexe. On reste avec un peu le paradoxe de Fermi sur les possibilités. Il dit, si on rentre en contact avec des extraterrestres, qu'on les emmène ici, lui, il compare à la Terre. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive ailleurs? La première chose qu'on voit, ce n'est pas nécessairement de vouloir rentrer en contact avec une autre espèce, mais c'est de voir les ressources ou qu'est-ce que cette espèce-là peut nous apporter. Donc, il dit, les possibilités qu'une forme de vie vienne sur la Terre simplement pour prendre nos ressources est assez énorme, selon lui, selon sa façon de penser. Donc, dans ce mode d'idée-là, on est mieux de rester caché pour le moment. Pour nous conquérir. Ça, ouais. Ça fait amérindien un peu comme histoire. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, il se compare beaucoup à la Terre, tout. Alors, on parle beaucoup des ressources. Alors, c'est un peu pour ça. Je pourrais pas aller plus loin. C'est vraiment ce que j'ai compris le plus dans son explication. Mm-hmm. Ah, oh, ça, c'est niaiseux, là. T'en parles-tu? Tu l'as dit, là. Ah. Survol. Pas le choix. Le sujet. Connaissez-vous... bon, on va faire ça vite, là. Connaissez-vous Edgar Mitchell? Non. Edgar Mitchell, c'est un astronaute qui a participé à Apollo 14. Alors, il a débarqué sur la Lune, lui, alors dans les premiers tests. Et il aurait... il est venu sur la... Edgar Mitchell est un fan des extraterrestres et lui de croit aux extraterrestres et dit que les extraterrestres veulent la paix. Et après avoir déclaré ça, c'est parti sur Edgar Mitchell. Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce qu'il a été en contact avec des extraterrestres? C'est devenu, pour ceux qui disent les extraterrestres existent, c'est devenu une référence. Edgar Mitchell, qui est un scientifique, une sommité, a été en contact avec des extraterrestres. On dit ce bonhomme-là s'est mis à sortir un paquet de choses comme quoi que le gouvernement nous cachait. T'sais, ça part de lui, dans le fond. Le gouvernement nous cachait des trucs. C'est de sa faute, les cons. Je pensais que c'était Obama, la oui, c'est ça. Bon. Le Thanks Obama. Ouais, Thanks Obama. T'as vu ça aussi. Donc, tapez dans YouTube Thanks Obama, vous allez comprendre de quoi on parle. Donc, Edgar Mitchell s'est mis à déblatérer de plein de possibles, justement, sur des comme quoi qu'il y a des tests, qu'on a déjà été en contact avec eux, qu'on parle encore avec eux en ce moment. Le problème là-dedans pour le gouvernement, c'est que Edgar Mitchell a été effectivement en contact avec énormément de sources secrètes, ultra secrètes. C'est un scientifique de renom et c'est quelqu'un qui a été en contact serré avec des scientifiques qui travaillent sur des projets ultra secrets. On peut le voir de deux côtés. Soit on est du côté extraterrestre, puis on se dit Edgar Mitchell, oui, OK, il a été en contact là-dessus, puis on s'en tient à ça. Ou on y va avec un peu de notre logique, puis on se rappelle de qu'est-ce qui est arrivé avec WikiLeaks. Ouais. Donc, si ce bonhomme-là serait tant en contact, qu'il est en train de divulguer tant d'affaires qui sont supposément ultra secrètes, le gouvernement, ça ferait sans doute pas mal longtemps qu'il aurait mis la main dessus, puis qu'il se serait enfui, puis on en parlerait, ça serait passé, ça serait pas passé dans le bar comme ça. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est vrai, c'est pas fou. OK, ça, je m'en rappelle plus. OK, oui. Dans le fond, la sonde Voyager, sans doute, ça vous dit quelque chose. Mm-hmm. La sonde Voyager, alors, c'est une sonde qu'on a envoyée dans l'espace dans laquelle on a fait un peu une capsule temporelle. Alors, on a enfermé dedans des sons, des photos, alors des choses sur nous, sur la Terre. On a enfermé ça là-dedans. On a envoyé ça dans l'espace. Ça fait 40 ans que ça navigue là, alors dans l'espace. Fait que c'est la sonde Voyager. Il y en a qui doivent connaître ça. Et en ce moment, la sonde Voyager, si vous allez sur le site que j'ai mis, on peut voir et entendre qu'est-ce qu'on a mis dedans. Alors, ça a été mis officiel. C'était les Américains, évidemment, qui ont fait ça et qui ont envoyé ça dans l'espace. Maintenant, on peut le voir. Ce qui me surprend, c'est toujours que dans ces boîtes temporelles-là, il y a toujours genre un CD d'un tel groupe de musique, une cassette vidéo de tel film. Moi qui ont l'équipement pour lire des CD puis des cassettes vidéo. Tu sais quoi? Non, mais pour vrai, ça a été inventé par des humains sur la planète Terre. Pourquoi est-ce qu'il y aurait ce lecteur? Ouais, mais si on dit que les extraterrestres ressemblent aux humains, peut-être qu'eux aussi ont quelqu'un qui l'a fait. Ils ont eu la même idée. Puis le combat Betamax versus a été gagné par le même. Puis en tout cas, sérieux. Ok, ouais. T'as raison. En tout cas, moi, ça me fait rire pas mal, ça. C'est vrai. Ouais. Mais sans doute, ça va faire comme nous quand on a trouvé des hiéroglyphes et ces choses-là. Ils vont trouver une façon de les décoder. Ouais. Ils vont peut-être le traduire, mais mal le traduire. Comme nous, le mot français, parce que chaque pays a enregistré sa langue. Alors, toutes les langues sont sur cette sonde-là. Le mot français qu'ils vont entendre, c'est quelque chose comme bonjour les amis ou salut tout le monde. Okay. Je pense que c'est salut tout le monde qui est la phrase. Voulez-vous coucher avec moi ce oui, soir? Oui, c'est ça. Alors, Bing, le moteur de recherche Bing. Oui, ça existe encore. Ça. Oui, ça existe encore. Ben, il peut traduire des langues, lui aussi. Okay. Parce que lui aussi, il veut fait tout comme faire. Google, ouais. Ouais, ben là, maintenant, plus que Google, il peut traduire le Klingon. Alors, voilà. Ben, ce langue-là, une grammaire, tout. Fait que les fans de Star Trek ont vraiment inventé toute une grammaire autour de ça. Ouais. Ben, lui, il peut le traduire maintenant. La Maison Blanche dit ne jamais avoir été en contact avec des extraterrestres. Jamais. Ouais, Le gouvernement. Dans X-Files, government denies everything. Le gouvernement nie tout. I want to believe. Je vous laisse penser là-dessus. Au début de l'émission, là, X-Files, là, ça dit pas que c'est basé sur des faits vécus. Hein. Le premier épisode, ça dit que c'est basé sur des faits vécus, mais c'est comme une joke, puis c'est drôle. C'est parfait. Le premier épisode est vraiment comme particulièrement pas réaliste, puis ça dit. Cette émission, en tout cas, bref. C'est trop absurde. Là. Ben, les gens, ils comprennent pas le sarcasme, je pense. Ah, OK. Bon. On en parlait hier, justement. Exact. Bref. Il y a un site aussi où, qui parle de la série Les Voisins. J'en avais parlé l'année passée. Je l'ai juste mis parce que j'en avais parlé dans mon ancienne chronique Les Voisins lors de Nightboard. Alors, la série qui a été annulée. Alors, si vous voulez voir la critique là-dessus, c'est une série qui est drôle. C'est drôle. C'est très léger, mais c'est drôle. Ouais. Ensuite, 20 à 30. On a un site qui parle, on reste dans les films, alors les meilleurs films de science-fiction. Ah. Alors, c'est un top 100. Vous en avez, vous en avez pour un bout. Tu sais, si vous êtes, si vous manquez, ça vous tente de voir un film de science-fiction, mais un bon film, allez voir ça, vous en avez 100. Ouais. Je vais vous dire que les deux films de X-Files ne sont certainement pas dans le top 100 parce que c'est pas d'excellents films. Ah, c'est décevant. Malheureusement. Parce Garde que j'ai vu des bons films. Dans les tops, il y avait Blade Runner, la Société des 12 singes. Okay. T'as-tu vu ça? C'est très bon. Je pense que oui, 12 singes. Très bon, les 12 singes. Il y en avait d'autres aussi. Il y en avait. J'imagine, il y en avait à peu près 98 autres. Ouais. Plus ou moins, ça. 30 à 40, fait qu'on saute vite, là, ça commence à se répéter. Donc, un député russe qui dit qu'il a rencontré des extraterrestres. Et ça, c'est dans le journal La Presse. Ah oui, je vous même ai pas le journal de Montréal. Non, c'est le journal La Presse. Alors, c'est un. Ben, en fait, ça explique un peu qu'il a perdu un peu toute crédibilité. C'est député russe là, qui explique que ça fait juste relater les faits. Dans le fond, comme un journal, ça doit de le faire. Mais il a peut-être tombé dans le coma, puis tu sais, il pense qu'il est enlevé. C'est ça, hein? Ouais, peut-être. Ah, Tania, toujours à la défense des minis. Toujours. Voilà. Yves Boivin, qui est lui aussi dans le journal La Presse, qui pète les rêves de François Bourbeau. Connaissez-vous François Bourbeau? Ça me dit quelque chose. François Bourbeau, c'est je pense que tu peux aller dessus pour me dire exactement son titre et pour qui il travaille, parce que c'est quelqu'un d'assez haut placé. Il ne faudrait pas te défaire son titre. Qui a passé à Tout le monde en parle, en fait. T'as peur? Oui. Moi? L'article est long, hein? C'est un journaliste, chercheur en ufologie, astronome amateur. Merci, Tania. Voilà. Alors, il travaille, c'est quand même une sommité dans son domaine là-dedans. C'est un astrologue, justement. Puis, il a pensé à Tout le monde en parle. Il a parlé des extraterrestres. Et il s'est mis à parler d'extraterrestres, tout ça, mais peut-être de façon un peu trop... Peut-être qu'il a laissé voir, justement, trop... une passion personnelle pour lui. Je pense que de la façon que je lisais ça, c'est que lui, il a vraiment un rêve de voir des extraterrestres. Et Yves Boisvert, n'a pas hésité à y taper sur les doigts, mais surtout sur les doigts de Tout le monde en parle. Ah. Comme quoi que Tout le monde en parle, qu'ils ont laissé passer ça. Il invite n'importe qui, genre. Mais pas qu'il invite n'importe qui, mais il dit... puis en fait, c'est vrai, le scientifique sort plusieurs faits, plusieurs trucs sur les extraterrestres sans apporter nécessairement de preuves. Sortir les théories avant les tests, avant les preuves, puis avant d'être certain, puis avant d'être appuyé par la communauté, c'est jamais une bonne idée pour un scientifique. Ouais. Et c'est à peu près qu'est-ce qui a fait à Tout le monde en parle. Et ce que Yves Boisvert reprochait à Tout le monde en parle, c'est de pas avoir sauté là-dessus pour un peu punir la désinformation, si on veut, là-dessus, ou la possible désinformation. Alors, là-dessus, bon, bref, c'est ça. Fait que vous lirez l'article si ça vous intéresse. C'est vraiment c'est une chronique, dans le fond. Puis on finit ça en beauté avec le Journal de Montréal. Là, ça va être crédible. Oui, là, c'est appuyé sur des faits. Okay. On a des photos, on a des témoins. Il y a quelqu'un qui a signé l'article. Fait que quelqu'un a osé signer l'article. Et c'est dans la section actualité, là. C'est pas dans la section le sac de chips. Oui. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Alors, il y a des ovnis partout au Québec. Ah. Alors, appuyé par des témoignages et ainsi de suite. Alors, Sarah Maud Lefebvre a écrit cet article. Oui. Avec tout le sérieux du monde. C'est ça. Il devait triper sur Star Wars. Ouais. C'est bon. Ouais. La citation, c'est dans la majorité des cas, il existe une explication rationnelle derrière le phénomène observé, mais il y a une proportion de cas qu'on ne peut expliquer. Ça veut pas dire que c'est ce que tu penses que c'est, parce que ça s'explique pas. Les explications viendront plus tard. Mais c'est ça. Fait que c'est quand je trouvais ça quand même drôle, puis je trouvais quand même ça ironique que ce soit le... Bon. Alors, peut-être qu'on est en train de trop se placer avec le Journal de Montréal. Oh, regarde. Regarde, c'est la journée où tu vas te faire taper dessus. Arrange-toi avec ça. Moi, ça me va, je m'assume. Tania, Moi aussi, je m'assumais. Mais moi, je t'assume pas toi. Toi, tu t'assumais. Moi, c'est ça. Au passé. C'est ouais, selon mes dires. Frédéric Bernard, Google Globe, on fait ça chaque semaine, les mercredis à 8h30, et tu nous poses une question à Google et on y répond du mieux qu'on peut. Hein? Oui, oui. Ben oui. Comme là, on avait peut-être trop de réponses. Peut-être. Trop. Mais c'était très intéressant, comme toujours. Merci, Frédéric. Merci, Fred. Nous? Oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Tania? J'ai une suggestion pour toi. Vas-y. T'aimerais ça qu'on transitionne tout de suite à ta chronique, je te gâche. Ben oui! Est-ce que t'aimerais ça? Mais ça me dérangerait tellement pas, là. Parce que c'est Tania is gonna entertain ya! C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! Salut Tania! Allô Mathieu! J'aime vraiment beaucoup le visage à Fred présentement qui essaie de quitter le studio mais qu'après t'es chanté, tu fais pas. J'ai entendu Mathieu chanter, j'avais jamais entendu à toi, j'ai fait non, moi je reste. C'est une nouvelle chanson de cette saison en effet, donc oui. T'es privilégié parmi nos auditeurs à entendre cette chanson-là. Voilà. Qui était temporaire jusqu'à ce que finalement elle m'en ait jamais amené une vraie fête. c'est ça. Fait que donc à chaque matin Mathieu chante. Et oui, il se fait plaisir. Des fois il a fait longue, des fois il a fait courte, ça dépend des fois. Mais ouais. C'est toujours Tania qui est la vedette de cette chronique-là, qui nous présente à chaque matin un sujet qui l'intéresse, qui la passionne, oui. Qui la titille. Qui me titille. Oui. Mais en fait aujourd'hui je vous parle un petit peu de ces gens qu'on connaît grâce à Internet. J'en avais déjà parlé, là. J'avais parlé des deux frères Jack et Finn Harris qui, eux, avaient été connus par rapport à YouTube. Mais je vous parle du côté musical de la chose ce matin. Je vous parle de certains artistes qu'on connaît pas nécessairement à l'extérieur d'Internet, mais que sur Internet, ils sont super populaires. Ils sont huge! Donc, vous allez voir, c'est une petite chronique légère. Puis, je vais vous faire découvrir aussi peut-être quelques artistes. Qui sait? Vous allez pouvoir aller voir, évidemment, sur le grand site YouTube. Qui sont-ils? Quasiment plus. C'est quoi? C'est YouTube.net? Quoi? Sûrement. Biz. .com. .com. Ah! Voilà. Alors, la première artiste dont je vous parle, en fait, c'est Andy Case. Elle est originaire de Marysville, Washington. C'est son nom qui est mis de l'avant. Par contre, elle fait partie d'un band qui est composé de Naftali Smith et AJ Marshall. Ils sont plus précisément connus pour tous les covers qu'ils font. Si je te dis, as-tu déjà vu la vidéo des trois personnes dans une voiture qui chantent un mash-up de musique, de chansons différentes? Je crois pas. Il y en a beaucoup. Une fille, ouais. Deux gars. En fait, ils ont été connus plus précisément pour leur cover. On peut-tu dire ça en français, en anglais? Ben, leur couverture. leur reprise. Oui, leur reprise, voilà, merci. Leur reprise de chansons très connues, mais qui chantent sur la route en voiture pendant qu'un des gars du band joue de la guitare en arrière. Le gars qui, en temps normal, joue les percussions, bien joue sur son volant en conduisant. Ah. Et la fille qui est du côté passager chante. Ils ont-tu fait Happy? C'est-tu eux qui ont fait Happy? Je ne crois pas. Ah, OK. Ah, il y a des imitateurs, peut-être. Ouais, entre autres. Si on va sur leur page Facebook, je le fais immédiatement. Vous pouvez voir, en fait, la plus populaire qui a été vue 16 millions de fois, c'est Want to Want Me, slash, évidemment, parce que c'est toujours deux chansons mises... Tout le temps, les chansons qui vont ensemble? Pas tout le temps. Donc, celle-là, en fait, c'est Want to Want Me plus I Want You to Want Me. Ben oui, évidemment, ça fit. Hein? Alors, vous allez pouvoir voir, c'est beaucoup, beaucoup de reprises de chansons. Par contre, ils ont décidé aussi de faire des morceaux originaux. Donc, tout à l'heure, peut-être, hein, qui oui, sait? Oui, à la fin. Comment? Peut-être. On va peut-être se laisser sur une de leurs chansons, tout simplement comme ça. La deuxième personne dont je vous parle, en passant, ils sont en tournée présentement. Okay. Ils étaient en Colombie-Britannique un petit peu plus tôt durant le mois et ils font le tour des États-Unis. Donc, si jamais vous voulez avoir plus de détails, suivez-les sur YouTube et les médias sociaux, dont Facebook. Et c'est Andy Case, A-N-D-I-E. Oui, A-N-D-I-E, Case, C-A-S-E. La deuxième personne dont je vous parle, peut-être, est-ce que vous la connaissez un petit peu plus pour sa chanson qui a... sa reprise, elle aussi, en fait, qui a joué dans un film très connu et très médiatisé, qui aurait... qui a fait voler plusieurs femmes, disons ça comme ça. En fait, je parle de Sofia Kjellberg, qui vient de Stockholm. OK. Et elle est devenue virale à la suite de sa reprise de la chanson de Beyoncé, Crazy in Love, qui a joué dans Fifty Shades of Grey. Oh boy! Pour ça que ça me dit rien. J'aurais dû savoir, les gars, que vous aviez pas écouté ce film-là. Je suis désolée. Mais oui, en fait, à la suite de sa reprise, elle a été contactée, puis ils ont pris sa version à elle et non celle de Beyoncé pour faire jouer dans le film et la trame sonore. Dans une scène de sexe. Si je me souviens Attends, bien... Attends, que je repense à quand je l'ai regardé la cinquième fois. Oui, non, mais si je me souviens bien, oui, c'est dans une scène... Kinky, sexy. Dans la chambre rouge qu'ils appellent. C'est quand même quelque chose que ce soit pas ta tune originale qui soit prise puis que ce soit une reprise. Mais je pense que les deux sont sur la trame sonore. J'ai pas écouté la trame sonore au complet du film Fifty Shades of Grey, là. 50 nuances de gris, mais... Alors, juste le livre en papier, en numérique, le film sur DVD, Blu-ray, cassette vidéo. Terrible. Vous avez des opinions de moi terribles, les gars. Mais, on te donne une opinion de elle dit qu'elle s'inspire beaucoup d'Amy Winehouse puis de Christina Aguilera quand elle chante. Elle aussi fait beaucoup de reprises. Elle a seulement deux morceaux originaux. Si jamais vous voulez voir toutes ces belles petites chansons reprises par Sofia Kjellberg, c'est facile. Vous tapez Sofia, S-O-F-I-A, Kjellberg, K-A-R-L-B-E-R-G, sur l'onglet de recherche YouTube et vous allez tomber tout simplement sur toutes ces vidéos. Ça, c'est encore une fois youtube.tv, je pense. Ouais, c'est ça, .tv. T'as tout compris. La dernière personne dont je vous parle, c'est peut-être pas nécessairement l'artiste même, mais c'est celui qui en fait, qui les projette vers l'avant. Je vous parle de Kurt Hugo Schneider. Est-ce que vous connaissez? Schneider. C'est pas les saucisses, ça? Non, je crois pas. C'est Schneider. Ça, c'est Schneider. Je suis pas sûre que ça soit la même chose. J'ai honnêtement cru que c'était ça. Kurt Hugo Schneider a fait son entrée sur YouTube en 2011. Okay. C'est pas un artiste qui lui-même va chanter. Il le fait à quelques reprises dans ses vidéos. Par contre, c'est un auteur-compositeur, un directeur et un producteur. Et il est devenu, ma foi, viral tellement rapidement. Il a passé à... Oprah, il y a quelques années, avec Sam Tui, qu'on a entendu un petit peu plus tôt dans l'émission. Oui. C'était une des chansons originales de Sam Tui et Kina Grannis. C'est d'ailleurs lui qui a fait connaître Kina Grannis sur sa chaîne YouTube. Il fait beaucoup, beaucoup de collaborations avec des gens déjà connus. Matt, je sais que tu adores les sitcoms et que tu adorais Victorious. Oh, tellement, mais tellement, tellement beau. Alors, tu vas être très content d'apprendre qu'il a fait plusieurs collaborations avec Victoria Justice. Ah, que j'adore Victoria Justice. Si jamais vous tapez son nom sur YouTube, vous pouvez voir tous les vidéos. Et là, quand je vous dis tous les vidéos, prenez-vous un bon bol de popcorn et un très grand Coke ou Pepsi, peu importe ce que vous préférez, parce qu'il y en a du vidéo là-dessus. C'est bon ça, quand tu commences à aimer quelque chose, tu veux en avoir le plus possible. Oui, et il y a des reprises, évidemment, lui aussi, c'est la chose la plus, je dirais, mais il y a beaucoup, beaucoup d'originaux qui sont faits ou soit écrites par lui. Donc, en plus d'être producteur et directeur, évidemment, il fait des films, donc c'est lui qui va tout filmer et qui va faire tout le montage des vidéos que vous voyez sur sa chaîne YouTube. Il est présentement à plus de 6 millions de fans sur sa page YouTube et ça continue de grandir à chaque jour. Cool! Ça, c'est youtube.gov, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment fou de voir comment tous ces gens peuvent devenir des artistes non connus, mais donc connus sur les internets. Ah! Et si je ne m'abuse, Mathieu, corrige-moi si je me trompe, mais on pourrait se quitter avec la pièce musicale de Andy Case, qui est The Bed I've Made. Tout à fait. On se quitte là-dessus. On se quitte là-dessus. Tout à l'heure, quand on va terminer l'émission, ben parce oui. qu'on va finir ici. Non, mais on quitte la chronique on là-dessus. On quitte la chronique là-dessus. Oui. Puis lorsqu'elle rejouera dans d'autres meilleurs moments, elle sera intégrée à la chronique pendant qu'on finit l'émission, nous autres, à part de ça, en direct. Donc voilà, c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. On remercie. Merci beaucoup, Frédéric Bernard. Très bonne chronique. Merci, Fred. Ben oui, merci. Merci à vous de m'accueillir. Ça fait plaisir. Merci à Sébastien Guertin aussi d'avoir participé à l'émission pour sa chronique Bulletin Guertin. Demain, l'émission, on va être jeudi. Demain, on va avoir Justine Renaud. On dit à chaque semaine, mais elle devrait être de retour demain, enfin. Donc, Justine Renaud et sa chronique Justine Pertine entre 6h30 et 9h30. Restez à l'écoute parce qu'à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, Palmarès du monde à 14h avec David Ferron. Je vais être de retour pour une nouvelle édition du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'est la nouvelle saison qui débute aujourd'hui à partir de 15h. À 17h, l'émission de musique électronique Audiomatique. Et puis à 19h, le retour des Audacieuses. Le baseball est fini, donc les Audacieuses sont de retour. Yeah! Hein? Oui, on aime ça. Ben oui, cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balles d'audition. Merci, Tania Baudin. Hey, merci, Mathieu Plante. Plaisir. Puis bonne journée, les petits requins. Hey, à demain. Tania's gonna entertain ya. Oh. Sa chanson, oui. Là, c'est The Bed I've Made de Andy Case. À demain. Au 89 FM. You choose, but if I do that, when am I gonna end at? Why don't you just do you? It's all unnecessary pain, but I'm old enough to play the game. I know I'll fall down, maybe you have to crawl now. Don't underestimate, maybe I don't know much better. Mistakes. Don't think that I'm not listening. It'll be alright. This is my own fight. What's a few scars? It's grapes. In the end, it will only make me strong. I need to try. But I've made